Depuis 4 mois, le titre fait partie des morceaux les plus joués dans tous les clubs d'Europe. Et il reste encore numéro 1 ce soir. Calvin Harris, Rihanna pour le This Is What You Came For dans le top 5. On avait également Kung, Justin Timberlake, David Guetta ou encore Imani. Pour retrouver l'intégralité du classement encore sur le site de funradio.fr, rubrique Eurodance 25. Belle soirée à tout le monde, bonne fin de week-end, bon courage, vous êtes sur la route. On se retrouve à minuit tout à l'heure pour Party Fun Deep. Karen, d'ailleurs, si tu veux écouter des sons pour Party Fun Deep, n'hésite pas. Hein. Ah bah Rihanna. Ah non, dans Party Fun Deep. Oui. Je sais pas, moi, tu me prends comme ça, brut pour point. Bah, tu sais pas, c'est tout quoi. Bah, c'est pas que je sais pas, mais j'en ai si tellement en tête. Ouais, oui. Bah, aide-moi, Nico. Bah, je sais pas, un Bob Sinclair, un Kungs, je sais pas, un Parov Stelar, un Moby, Armand Van Helden, Carlos Dream, il y a plein de choses, je sais pas, moi, Michael Feiner, Pete Code. Bah, Carlos Dream. Allez, Carlos Dream. Parce que j'aime beaucoup. Et bah, je te le mettrai tout à l'heure entre minuit et 2h. Est-ce que tu me feras une petite dédicace? Si tu veux. Tu feras une dédicace pour toute l'équipe de Love in Fun, d'accord? Ah ouais. Pour toute l'équipe. On va tous écouter, tu le fais à quelle heure? Je sais pas, entre minuit et 1h, mais t'écouteras l'émission en entier dans tous les cas. Oh, faut me donner un timing, hein. Oh non, ça marche, entre minuit et 1h, on sera là, Miko. Salut! Salut! Salut! L'équipe de Love in Fun est de retour. Vous ne les connaissez pas. Doc, un vrai médecin. Bah, j'aimerais savoir si le doc est vraiment un docteur. Bah, mon métier, c'est Sam, je suis médecin et pédiatre. Voilà. Karel, le roi des Pokémon. Appelez-moi Karel Chou et venez me défier dans mon arène. Alice est devenue pilote en Italie à bord de sa nouvelle décapotable. Buongiorno! Y cherchez la direction de Fun Radio, per favor. Ben, c'est-à-dire que là, vous êtes à Clermont-Ferrand, madame. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Bien sûr qu'on est là, bonsoir à tous. Bienvenue sur Fun Radio, ouais. Dimanche soir en direct. Il n'y a personne dans cette radio le dimanche. Oui, absolument, c'est calme hein. Ah c'est calme, hein. Ah, le dimanche sur week-end en fait hein. Ah mais sans déconner, bah c'est ça, vous profitez du week-end hein, en ce moment. On pourrait les zapper pour leur week-end, non? On pourrait faire ça, on peut tout faire dans vous cette émission. Vous ne bossez pas, bah nous on bosse. Et on vous appelle justement pour vous faire bosser. Vous allez passer toute la soirée avec nous. On est bien content d'être là sur Fun Radio. 20h-22h du dimanche au jeudi, c'est Love in Fun, l'émission de Libre Antenne hein, qui vous permet justement de parler de ce que vous voulez. Vous nous demandez des conseils, s'il y a un petit malaise quelque part, vous voulez qu'on vous aide, on est là hein, justement tous les soirs entre 20h et 22h au standard 01 42 48 5000. C'est toute une équipe tous les soirs. Je m'appelle Karel, bonsoir. Salut. Doc. Salut Karel, salut tout le monde, salut. Et Alice, salut tout le monde. Bonsoir, bienvenue. Salut les éditrices, les auditeurs. Oui. Voilà, oh, je fais l'amour tout le week-end avec Atoche. Comment tu sais? Bah parce que je te connais. Moi j'ai geeké sur World of Warcraft. Alice a fait une soirée dans une fontaine. Hein, c'est-à-dire qu'elle était à poil dans la fontaine à 2h du matin. C'était donc une femme fontaine. Ah, mais peut-être. Mais non. Ah, mais non, j'en sais pas plus. Elle m'a juste dit oh, j'ai fait une soirée de dingue. Oui, c'était un week-end de débauche. Voilà. Ah, voilà. Il y en a plein qui en profitent différemment. Ah, bah oui, il faut sortir, il faut s'éclater. Attends. Qu'est-ce que t'as fait d'autre, Lise? Bah quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Non, parce que tu te retrouves dans la fontaine, donc toute mouillée. Bah oui, mais c'était assez sympa, c'était drôle. Bah, j'étais avec des gens qui avaient pour habitude, au moment d'euphorie, de sauter dans une fontaine. Moi, on m'a foutu dans la fontaine au début, j'ai trouvé ça un peu particulier, mais après, bon, 6h du matin, on s'éclate, quoi. Eh bah, j'espère que vous profitez bien de votre week-end, hein, comme Alice, dans la fontaine. Godefroy est à l'aréa, bien sûr. Godefroy, oui. Ça va, Godefroy? Nickel. Qu'est-ce que c'est que cette voix de crooner? Sans déconner. Il cherche à imiter le doc. Ah oui. Il veut t'imiter. Il veut pécho. Hein. C'est ton modèle, le doc, Godefroy. Oui. Limite flippant, quand même. Cassim à l'arrière, comment ça va, Cassim? Ouais, très bien, ouais. T'as vu, je t'apparais toujours Cassim, ouais, à l'arrière, même ouais, quand tu l'as fait plus. C'est mon nom de famille, t'inquiète. Et bien sûr, Cindy et Guillaume qui vous attendent au standard tous les soirs. 01 42 48 5000. D'ailleurs, on a notre auditeur du soir. Il s'appelle Lucas. Salut, Lucas. Lucas, t'es là? Oui, comment ça va l'équipe? Ça va bien, Lucas. Lucas, tu vas faire de la radio avec nous pendant 2h. Est-ce que t'es chaud? Ah mais, oh, quoi que. Non, je déconne, je suis à fond là, je suis chaud, mais je suis bouillant. Tout le monde écoute chez toi? Je suis pas sûre. Enfin, vaut mieux pas, quoi. Ah ouais, d'accord, non, parce que... T'as donc des choses à nous dire. Ah ouais, tu vas pouvoir réagir à tout ce qui se passe pendant l'émission, mon Lucas. Si t'as un truc à dire, tu peux le balancer à tout moment. Lucas, t'as repris toi les cours, toi, hein? Ouais, j'ai repris jeudi. Depuis jeudi, d'accord. Eh ben, bon courage à vous tous. Je sais qu'il y en a plein qui vont reprendre demain. Ça s'est bien passé quand même pour toi, Lucas? Ouais, tranquille. On va accueillir Florian avec toi, Lucas. Il est de Boulogne-Billancourt, il a 20 ans. Bonsoir, Florian. Salut, Florian. Salut, Karel, salut toute l'équipe. Salut, Florian. Salut, Florian. Est-ce que tu passes un bon week-end, Florian? Bah, moi, je travaille, donc ça va. Hein. Ah oui, d'accord. Tu bosses dans quoi? suis courtier chez Uber. Ah d'accord, ok. Ça consiste en quoi? Bah en fait, je livre des pizzas, des plats devant chez les clients. Ah oui, parce qu'il y a Uber Eats maintenant. Oui, ils ont inventé depuis mois d'avril. Ah, y a moyen d'avoir de la pizza gratos sur Fun Radio ou pas? Je peux donner un code pour avoir 20 euros. Oh putain, attends, est-ce que tu peux donner le code à tous les auditeurs de Fun Radio? Alors là, je l'ai pas sur moi maintenant parce que quand je regarde. Ah, tu dégonfles. Alors attends, on l'attend. C'est quoi ce code? 20 euros? Ouais, c'est jusqu'à mercredi. Hein. C'est Uber, ils t'offrent 20 euros et tout. Alors, c'est-à-dire que la promesse de cette émission, c'est vous donner un code pour avoir de la bouffe gratos. Hein non, une réduc de 20 euros. Alors, oui, bah, c'est déjà pas mal quand même. Mais si la pizza vaut 10. Florian. Je donnerai hors antenne. Florian, il paraît que tu veux nous raconter un truc, tu veux des conseils, c'est ça? Ouais, conseil, donne-nous ton code. Alors, vas-y, on t'écoute, Florian. En fait, je me suis épilé les parties intimes intégrales chez l'esthéticienne. Oui. Chez l'esthéticienne. Et du coup, le micro, voilà, il n'a plus de téléphone. T'es là, Florian? Ah, ça, c'est à cause de son code. Il est en train de... je suis rouge et tout, donc. Attends, on ne t'entendait plus, donc, Florian. Donc, en fait, tu t'es rasé le pubis, les testicules, tout. Et le derrière aussi. L'anus. Non, le sillon interfécier qu'on appelle ça. D'accord. Et depuis, c'est vachement irrité. Bah, ouais, et quand je suis en vélo, ça me fait mal. Faut que je mette du vélo pour enlever à chaque fois, c'est pas possible. L'irritation, tu mets une pommade, je vais te donner deux, trois noms. D'accord. Ok, faut bien appliquer ça. Tu mets de la pommade aussi. Tu peux utiliser aussi, par exemple, je pense que c'est pas remboursé, donc je vais te donner un nom, ça s'appelle Dermalibour. Dermalibour. Oui, tu peux acheter ça, mais il y en a d'autres. Sauf, il faut vérifier qu'il n'y ait pas un petit abcès qui pointe, genre tu sais, le follicule pileux, parce que tu l'as rasé de trop près, qui s'enflamme et ça fait un abcès. Là, ça fait mal. T'as des gros boutons rouges? Non, c'est des petits boutons, mais je pense que c'est par rapport. Alors, il faut quand même désinfecter avec de la chlorhexidine, c'est important. D'accord. Voilà, n'importe laquelle. Et puis, faut mettre de l'alcool dessus. Je t'ai donné. Et tu mets un briquet après. En fait, j'ai regardé sur internet avant de le faire et fallait faire doucement, à l'arracher comme une brute, en fait, à me regarder, à sourire en faisant ça. Donc c'était un peu compliqué. Mais c'est sûr qu'elle l'a mal fait. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment tu vas chez une esthéticienne pour te faire les bouliches, le cul? Parce que c'est une fille qui t'a fait ça. Ouais, c'est ça. C'est une chinoise qui m'a fait ça. Quoi? Et y a pas beaucoup d'esthéticiennes qui font ça pour les hommes. C'est un peu rare, on va dire. Bah non, mais c'est-à-dire que en fait, elle t'a rasé les couilles et tout. Oui, à la cire. À la cire. Mais mec, t'as bondé, non? Non, on va te la faire, tu vas demander direct. Hein. Bah, vu que j'ai mal, t'inquiète pas, hein, allez rentrer à l'intérieur. Ah ouais? Ah ouais, la meuf, elle t'a touché tes testicules. Bah, oui, c'est son métier. Bah, bien sûr. Hein, Comment tu qu'elle fasse autrement? Ton zizi? Non, la verge, y a pas de poils. J'ai peut-être besoin. Si, y en avait un peu, elle m'a mis de la cire dessus. Et c'est là que je me pose des questions, en fait, elle m'a arraché comme un bourrin, mais. Elle l'a mal fait, c'est sûr. Évidemment, c'est ça l'épilation à la cire. Attendez, je débarque. Vas-y, moi. Attends, excuse-moi, Florent, mais je débarque. On peut aller chez une esthéticienne si t'es un mec et la meuf, elle te fait les poils du sexe et tout. Ça t'ouvre. C'est une ouverture pour toi? Non, mais je pensais que c'était un mec qui te le faisait, tu vois. Donc, du coup, moi. Bah, attends, mais n'importe quoi. Il y a des gens qui font ça. T'es sûr, ça veut rien dire. T'es sûr, rien. Et si le mec est homosexuel, je veux dire la même chose. C'est aussi, voilà. Non, mais je sais pas. Je te donne l'adresse. Vas-y, tu vas avoir. Ah, bah, ouais, carrément. Tu vas souffrir. Ah, bah, c'est pas grave. On va souffrir en plaisir. Donc, quel était ton but? C'est de ne plus avoir de poils comme un petit garçon? Bah non, en fait, j'ai gardé un peu de poils au-dessus du sexe, entre le ventre et le sexe, et j'ai gardé un peu de poils parce que ça faisait trop petit garçon pour moi, donc j'ai gardé un peu de poils. D'accord, ok. Et tu fais une moustache? Ouais, on va dire ça comme ça. Bah écoute, Florian, tu te sens bien dans ta peau là maintenant? Voilà. Bah, impeccable, c'est propre. Ce que je t'ai donné comme petit conseil pour éviter que ça s'enflamme, car l'inflammation, c'est quasi obligatoire. Voilà. D'accord. Et je voudrais savoir, en fait, est-ce qu'il y a des esthéticiennes qui écoutent Fun Radio qui pourraient me conseiller une autre esthéticienne? Parce que là, c'était pas possible, j'ai retourné plus là-haut. Toutes les autres, en fait. Ah bon, lesquelles, Alice? Bah, toutes les autres personnes que cette esthéticienne-là, finalement. Ouais, parce que, je veux dire, en général, quand t'as une formation, tu fais pas les choses comme ça, tu tiens bien la peau, t'arraches pas n'importe comment. Viens chez Alice la prochaine fois, Florian. Alice va te le faire. Okay. J'arrive. Ok, Florian, bah, tu raccroches pas, on va te gérer un petit rendez-vous privé avec Alice. Attention, ça coûte très cher. Je peux avoir un agenda de Fun Radio? Ouais, bien sûr, il n'y en a plus. merde. Ah bah oui, bah attends, ça y est, t'es passé à côté du coche, la rentrée c'est demain. Hein. Non, mais on va essayer d'ailleurs de vous en avoir encore, mais c'est pas gagné. Ouais. Je te le dis, on s'est déjà battu. Okay. Salut mon Florian, merci à toi. Ciao, ciao. Et Noémie nous rejoint sur Fun Radio, 24 ans de Beauvais. Bonsoir Noémie. Salut Noémie. Salut Carré, salut le doc, salut tout le monde. Salut Noémie, tu nous appelles pourquoi? Ben en fait, moi j'ai un petit souci. Il y a mon mec, en fait, à chaque fois quand on se promène, il regarde toutes les autres filles. Il veut savoir. En gros, si voilà, si c'était logique, quoi. Non, on va l'appeler si tu veux. Pas, on va l'appeler aussi. Ah non. On va en parler surtout dans un instant. Dites-nous, est-ce que vous arrivez à supporter ça, les filles, que les mecs ils matent d'autres meufs là. Venez nous dire là, 01 42 48 5000. Et en attendant, on démarre avec Soprano. Soprano avec En Feu sur Fun Radio, c'est Love in Fun. Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Je suis en feu. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. J'suis en feu. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. J'suis en feu. Tu m'appelais Kirikou, ce soir j'suis John Covey. J'suis en feu. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. J'suis en feu. Ou comme les trois petits à 6h du mat sur mon lit. J'suis en feu. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, viens. Si tu me parles, viens. Si tu me touches, viens. En feu sur Fun Radio. Love in Fun. 20h-22h avec Doc, Karel et Alice sur Fun Radio. Tous les soirs en direct pendant 2 heures sur Fun Radio du dimanche au jeudi. On est streamé bien sûr tous les soirs aussi sur le site de funradio.fr. Ça veut dire qu'on est donc filmé. Vous pouvez voir un petit peu comment ça se passe dans les studios. Vous glissez en fait dans le studio hein, dès que vous le voulez. La funradio.fr. On va tout de suite accueillir Noémie. Elle a 24 ans de Beauvais. Bonsoir Noémie. Salut. Salut Karel, salut tout le monde. Salut Noémie, raconte-moi. Vous allez bien? Bah ça va bien. Et toi, bon dimanche? Merci, moi aussi. Une bonne grasse mat ce matin, non? Ouais, midi, une heure. Ah ouais, tranquille. Ah ouais, tranquille. Ouais, tu profites de tes soirées. Avec ton mec? Oui. D'accord. Tu habites avec lui? Oui. D'accord. De temps en temps, quand il y a possibilité, ouais, on essaye de se retrouver chez moi. Ok. Il s'appelle comment ton mec? Il s'appelle Grégory. Et tu nous appelles à propos de Grégory? Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui fait, Greg? En fait, le souci, c'est que bon, ça fait juste 2-3 mois qu'on est ensemble, et par exemple, je sais pas, on va être dans la rue, on va se tenir la main, bah, comme un couple, normal. Et en fait, le truc, c'est qu'il va y avoir des filles qui vont passer, et il va regarder, ça va être le décolleté, ça mais va non. être s'il y a des jupes, je regarde. Ah, quand même. Mais non, c'est voilà. Bien. Parce attends, passe, oui, bien sûr. Il passe à côté d'un magasin de jeux vidéo. Est-ce qu'il fait des commentaires associés? Non. Pour le moment, ça fait pas de commentaires, mais donc, ça regarde fait... bien. Attends, et tu lui dis, qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que je lui ai dit, clairement? Est-ce que tu veux des jumelles? On le pourra un peu plus près. Ouais, est-ce okay. qu'il t'a répondu? Donc, non, mais je regarde pas. Je regardais comme ça. Ok. Bon, voilà. Si tu continues comme ça, effectivement, c'est, voilà, il peut faire ça et être tout à fait fidèle. Tu veux dire qu'on peut regarder et en même temps oui, être enfin, fidèle? C'est un signe d'alerte, mais il ne faut pas non plus exagérer. Écoute, le reste, la fidélité. C'est qu'on est ensemble, quoi. Quand on se connaît, on est ensemble. Donc c'est vrai, je me dis, voilà, est-ce que je dois être jalouse? Est-ce que je dois pas être jalouse? Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas amoureux de moi? Plein de questions, c'est plein de questions que tu te poses. Alors, on va en parler dans un instant, Noémie. Ce qu'on veut, c'est un maximum de réactions. Là. Standard 01 42 48 5000. Parce que sympa, ouais. Je pense, ma chérie, que t'es pas la seule dans ce genre de situation à avoir déjà vécu ça. Et quand ça nous arrive, c'est vrai qu'on se pose plein de questions. On va tenter de répondre à tout ça. T'inquiète pas, tu vas arrêter d'être paumée, Noémie. Je te le dis. On va t'aider ce soir. Jonathan, 20 ans de Mulhouse aussi, est avec nous. Bonsoir Jonathan. Salut Jonathan. Salut Jonathan. L'appel à l'aide avec toi. Il s'est passé quoi là Jonathan? Alors je vous appelle parce que je voudrais que vous m'aidiez à régler un problème de bizutage. Un problème de bizutage. D'accord. Bah tu bouges pas, tu vas nous raconter comment t'as été bizuté. T'as des fois ça peut être violent le bizutage, sans déconner. Mais normalement il y a des lois pour ça. Tu te retrouves dans des situations qui sont pas possibles. Alors dites-nous si vous avez déjà été bizuté à un truc un peu chaud quoi. Venez nous raconter avec un petit peu de recul comment ça s'est passé. 01 42 48 5000. On vous attend un maximum de réactions et puis du son The Parakeet. Ça c'est l'un de mes tubes préférés de la rentrée là. The Parakeet, Save Me, à tout de suite dans Love in Fun. Suivez-nous sur Facebook, la page Love in Fun. Let's go. La radio numéro 1 sur les nouveautés. New music. C'est Fun Radio. Salut, c'est Martin Solveig sur Fun Radio. Major Lazer. De Parakeet. Hey, it's Martin Garrix on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Bannure. Dans l'arène, il n'y a pas de loi. Le film événement de la rentrée. Si tu perds, tu meurs. Bannure. Nous avons été trahis par mon propre frère. Pour se venger, il va défier un empire. J'aurai ma revanche. Ben-Hur, un choc visuel, un spectacle total en 3D. Gagne la course, gagne notre liberté. Mercredi au cinéma. Banzai Noodle de Lustucru, c'est super bon. Pratique, les Banzai Noodles sont faciles à préparer. Versez de l'eau bouillante, attendez 3 minutes et c'est prêt. À peine le temps de crier. Banzai ! Pour vous régaler. Bœuf, poulet ou curry, le plus dur c'est de choisir. Banzai Noodle de Lustucru, Banzai que c'est bon! Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Fun Radio présente Run & Mix, la nouvelle sensation des courses fun en France. Au programme de la Run & Mix, une course de 5 km de nuit dans des décors fluo déjantés. Et 5 heures de DJ set pour vous faire vibrer sur le meilleur du son dance floor. Mixé par Luca Divino au Parc des Expositions de Chambéry. Toutes les informations sur runandmix.com et funradio.fr. La première course Run & Mix à Chambéry, vendredi 30 septembre. Un événement Fun Radio. Le son dance floor. 20h, 22h. Sur Fun Radio. C'est Love in Fun, c'est tous les soirs sur Fun Radio du dimanche et jeudi. Il y aura le chiffre d'Alice. De quoi on va parler dans ton chiffre ce soir? Eh ben écoute, apparemment les femmes préfèrent les mecs avec un peu de barbe. Donc on va parler des qualités physiques qui nous font craquer chez une fille ou chez un mec. Eh ben dites-nous les qualités physiques là qui vous font craquer. 01 42 48 5000. Voici le Parakeet. After years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground hard to walk again. How to fly, you drove my hand. You saved me, saved me. Shoot me down, blow me down. Save me, kill me. Shoot me down, blow me down. Save me, save me. Afraid to run, I'm scared without my change. The Parakeet, Save Me sur Fun Radio. 20h, 22h. Love in Fun. Appelez Doc, Karel et Alice. 0-1-42-48-5000. Fun Radio. Love in Fun, tous les soirs sur Fun Radio avec vos messages, bien sûr. Très nombreux d'ailleurs, on se dit bonjour soir sur le Facebook de l'émission Love in Fun, le Twitter hashtag Love in Fun et Snapchat, bien sûr. Love in Fun Radio pour nous ajouter. C'est parti, Alice. Un message de Clara. Je vois souvent Doc sur son téléphone. C'est parce que Katoche t'envoie des photos hot, c'est ça? Ah ouais. Non, mais justement, tu fais bien de dire ça parce qu'est-ce qui se passe? Attends, tu vois là, salut, c'est Léo. Je vous ai appelé avant les grandes vacances car on se moquait de moi au collège. On m'avait donné ton numéro. Je voulais juste vous donner un peu de mes nouvelles. Tout va bien. Il est harcelé, hein. Ouais. Tout va bien. J'ai une bonne classe. Les gens qui se moquaient de moi ne sont plus dans ma classe. Voilà. Gros bisous à toute l'équipe de Love in Fun. Vous êtes super. Je vous écoute tous les soirs, même ce soir. Bisous. Bon, bah, gros bisous, Léo. Merci à toi aussi. Bisous à Karel et à Alice de ma part. Bah, à l'instant. Voilà. Bisous, à l'instant. Léo. Et bah, Léo, donc, deux photos, il y a quand même des boobs. Ouais. Donc. Entre deux photos de boobs. Hein. Et un autre message de Clément. Salut l'équipe, j'aimerais bien vous appeler, mais j'ai peur que mes potes me reconnaissent. Est-ce que vous avez une solution? Oui, on a la voix trafiquée. Voyage de voix. Ah ouais, on brouille votre voix, on la trafique. Si vous habitez Brest, on vous dit que vous habitez Strasbourg, tout va bien. Quoi. Et il est où le problème si t'habites à Brest, connard? Hein, mais c'est un handicap. Alors si vous trouvez que je suis un peu violent avec Doc, c'est parce que ça fait des années que le mec me chambre avec ma Bretagne. Hein. Bretagne d'alors, il a fait très très bon. Les couilles avec la Bretagne aussi. On a Noémie qui est avec nous là au standard. Bonsoir Noémie. Salut. Bonsoir, salut Noémie. Noémie, elle a 24 ans, elle est de Beauvais, nous a raconté sa situation. Oui. Si vous venez de débarquer, en fait, Noémie, c'est très simple. Hein, ça fait 2-3 mois qu'elle est avec son mec et elle a remarqué que quand elle était dans la rue, bah, le mec, il passait son temps à mater les cucus, les autres filles, quoi. Voilà, c'est toi, ça. Tu lui fais des réflexions, mais il a pas l'air de réagir et tu voulais savoir si c'était normal. Il nie. Voilà. Ouais, non, mais bien sûr. Pour lui, c'est normal, en fait. Attends, rien de choquant. La fidélité, c'est comme sur d'autres éléments, non? Ouais, mais c'est comme si un mec se promène avec sa nana regarde c'est les gars, quoi. C'est pas gentleman. Est-ce que toi, tu regardes les mecs? Moi, je regarde les mecs, non, pas spécialement. Non, quand je suis avec lui, j'ai pas envie de regarder les mecs, quoi. Tout le monde, non. Enfin, je sais pas, Alice. Ouais, Alice, mais pas comme ça, quoi. T'es dans la rue avec assistance, quoi. T'es dans la rue, Alice, tu t'arrives de regarder les mecs, non? Bah, moi, je pars du principe que oui, tout le monde regarde un peu tout le monde. Après, je suis pas à la place de Noémie, ça se trouve, son mec, il a le regard insistant, non. Limite la tête qui tourne en même temps que la nana passe. Je pense que Noémie est fine mouche et elle a bien vu que le mec... Comment tu dis fine mouche? Fine mouche. C'est quoi le rapport avec la mouche? Ben, tu vas voir, en fait, la réalité, c'est qu'elle voit bien que le mec s'intéresse à des parties spéciales chez les femmes. Ah, il regarde un endroit en particulier, Lyon, t'as un sacré radar si t'arrives à voir ça, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Ça regarde un peu vraiment la poitrine, quoi. Ça la se poitrine. Voit, Montre-lui tes seins. Montre-lui tes seins, du coup. Tu sais quoi? Il n'y a pas de problème pour ça, c'est ça en fait le problème. C'est que tout se passe bien vite, c'est nickel partout et voilà. Bah, ça veut peut-être rien dire. C'est peut-être son style, mais. Et est-ce qu'il est jaloux, lui? Batteur. Est-ce qu'il est un peu jaloux? Non, pas spécialement. Et toi non plus? Ah bah si. Comment? Toi non plus, tu es jalouse? Non, dis qu'elle. T'es pas jalouse? Moi, si, un petit peu quand même. Bah, je suis pas jalouse. Si. Sinon, elle regarderait pas où le mec regarde, quoi, tu vois. On a voilà. David. David est avec nous. Bonsoir, David. Bonsoir. Salut. Bon, David, à Lyon, parce que t'habites à Lyon, ça mate beaucoup. Hein. Ouais, bah, ça mate sans mater, en fait, on va dire. Ah, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu te fais pas repérer, quoi. Non, c'est pas forcément ça, mais on va dire que, en fait, c'est comme disait. Mince, j'ai oublié son nom. En fait, c'est regarder pour regarder, quoi. C'est vraiment, enfin voilà, quoi. C'est juste regarder. C'est pas. C'est pas aller plus loin. Voilà. En fait, on regarde, mais ça veut pas. Moi, j'ai une copine. Ça veut pas forcément dire que j'ai envie d'aller coucher avec elle. Pas que, forcément. Que voilà. Voilà. Voilà. Attends, on va fouiller le dossier 2 minutes. Tu regardes des filles, t'es seule. Est-ce qu'il y en a pas certaines avec lesquelles t'auras envie de parler un peu plus? Bah. Non, enfin c'est juste vraiment pour regarder. Après, moi j'aime ma copine, je ferais tout pour elle. Ça veut pas forcément dire que je vais aller voir ailleurs ou quoi. Non, mais je suis d'accord. C'est bon, vraiment, voilà, moi, c'est pour regarder. Ok, pas de problème. Moi je suis d'accord. Voilà. Je suis carrément d'accord avec toi, David. C'est vrai, tu vois une jolie fille dans la rue, même si t'es à côté de ta copine, bah tu vas la regarder. C'est pas pour autant que t'as envie de sauter dessus, quoi. Enfin voilà. Ouais, voilà, c'est ça. On est d'accord. Valérie, 27 ans de Perpignan est avec nous. Bonsoir Valérie. Salut Valérie. Salut Valérie. Oh, à Perpignan, ça mate aussi. Eh oui. Hein, ça mate pas mal. Toi-même, est-ce que tu mates des mecs quand t'es avec ton mec? Moi, ça m'arrive de regarder. Après, regarder, c'est pas tromper. Je veux dire, voilà, on est un couple, mais. Est-ce que tu sais, c'est tromper par contre? Ah, ça, oui. Ouais, non, mais regarder, c'est pas tromper, c'est vrai, non. Ça. Mais si ton mec mate. Regarder, c'est pas tromper. Mon homme, dans la rue, vient à regarder les filles. Même des fois, je donne mon avis par rapport aux filles qui regardent, il me le demande, et puis ça me gêne pas pour autant. C'est pas. Bon. Et quand elle est très jolie, tu donnes quoi comme avis? Moi, pour Noémie, elle a pas à s'inquiéter. Je veux dire, il a un regard. Non, moi, je parle de toi. Quand une fille très jolie passe dans la rue et qu'il la mate, tu dis quoi de la fille, toi, très jolie? Si je vois qu'il la regarde et puis qu'il me demande mon avis, même moi je lui dis oui, elle est canon, quoi, elle est bien foutue. Et si jamais elle lui fait un petit sourire et qu'elle commence à lui enlever sa braguette, comment tu réagis? Pour le sourire, ça me ferait pas grand chose, mais après, baisser la braguette, ça va demander mon avis. Ça va être compliqué. Il y a des limites quand même au matage. Voilà. Hein. Marine. Après quoi, Valérie? Après, voilà, c'est pas parce qu'elle lui fait un sourire ou qu'elle le regarde, forcément. Moi, je suis une femme, je veux dire, j'ai 27 ans. Je vois un homme qui est en couple avec une femme, il me regarde, je viens à lui faire un sourire, ça ne veut pas forcément dire qu'on va lui sauter dessus. C'est toujours plaisant d'avoir un regard d'un homme plaisant sur nous, je veux dire. On aime bien plaire, n'est-ce pas? Bah, c'est normal. Et oui. Bien sûr. On en est tous là. Merci. En plus, je pense que c'est quelque chose qu'on a besoin en plus quand on est en couple quelque part, parce que on est avec quelqu'un et on est fidèle à 100%, et en même temps, bah, on aime bien savoir si on pourrait aussi plaire à quelqu'un d'autre, tu vois. Pas forcément, mais il y a des gens qui ont besoin d'être rassurés, c'est vrai. Bah ouais, non, mais beaucoup même, Doc. Pas trop. Oh. Oh, mais toi non, mais bah, toi c'est normal, fou, ouais. Doc. Tu les as toutes connues. Hein, c'est, voilà. Hein, t'as voyagé, hein, dans de nombreux ports. Et dans chaque homme, il y a un port, c'est ça? Et dans chaque homme, il y a un port, bien sûr. On va accueillir Marine, 25 ans de Nancy. Bonsoir. Salut Marine. T'as entendu, hein, Noémie. Noémie, tu écoutes tout. Hein. J'écoute tout. Très attentivement. Voilà, Marine, Noémie, son mec, il mate des filles. Tu comprends, qu'est-ce que t'en penses? Non, moi, je suis un peu beaucoup jalouse. Ah merde, ah oui. Donc moi, il le fait pas, parce que c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de lui dire, oh, regarde, celle-ci, elle est jolie, et il dit, oh, non, j'ai pas regardé, non, c'est un non, test. C'est un test. Il me dit, oh, non, je l'ai pas vu, non, elle est moche. Mais par contre, non, effectivement, s'il m'attrait des meufs et que je le voyais, je serais la première à lui mettre une gifle. Ah ouais. Oh, la violence, quoi. Vas-y, ta gueule. Dans ta gueule. Eh, sans déconner, Marine, ça va ton mec? Il a la pêche? Il vit toujours? Non, on s'aime à la folie. Et c'est vrai que ni lui ni moi, on regarde ce qui se passe à droite ou à gauche. Moi, voilà, c'est lui le plus beau, c'est lui, voilà, donc j'ai pas... Non, ça m'intéresse pas, ni lui non plus. Ou, parce qu'après, je me dis, c'est que s'il se permet de regarder quand je suis là, qu'est-ce qu'il fait quand je suis pas là? Non. T'as dit une phrase importante. Je crois que quand on est en couple et qu'on aime quelqu'un, il faut décider, ça va paraître ridicule ce que je veux dire, mais vous allez comprendre. Ah oui. Il faut décider que c'est le plus beau ou la plus belle. Ah oui. Et à partir de là, c'est lui le plus beau. C'est elle la plus belle. Mais si on est en couple avec, c'est ce qu'on on est non, amoureux. Mais donc, il faut se le dire tous les jours. Si on se dit les choses, ça passe mieux. Et après, voilà. Il faut se convaincre, en fait. C'est ça. Non, mais c'est tu te réveilles le matin, elle pue ta gueule, elle a les cheveux dans tous les sens, mais tu la regardes et tu lui dis « Oh putain, t'es la plus belle. Je t'aime, mon bébé. » Pourquoi pas, donc t'attends 10 minutes après la douche, ça va, c'est bon. Ouais, d'accord, après le brossage de dents. Des réactions sur les réseaux sociaux, Alice. Il y a Coralie qui dit « Il n'y a pas de mal à regarder, surtout s'il le fait devant toi, c'est que c'est sans ambiguïté. » Et pour Stéphanie, c'est pas pareil. S'il éprouve le besoin de regarder ailleurs, c'est qu'il n'est pas prêt à se satisfaire d'une seule personne. Bon, tu nous appelles, Noémie, quand il décide de coucher avec, d'accord? Pour l'instant, pas de panique. Et en fait, je savais ça, les mecs ont quand même des regards hyper lourds parfois. Bah ouais, toi, par exemple. Non, jamais. Ah si, si, si. Ah, je te vois tout le temps en train de regarder dans les seins d'Alice, bien sûr. Ça, c'est toi. Mais moi, jamais. Ne vous battez pas, vous regardez tous les deux. Non, mais attends, tu sais, non, moi, je regarde pas. Et lui, je l'ai surpris en train de le faire, et j'ai surpris Kassim en train de te toucher. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment j'ai pu louper un truc comme ça? Attendez. David, Valérie, Marine, vous entendez, Doc nous accuse de mater dans l'équipe. Comme quoi, tout le monde se mate. Ah, moi, je suis d'accord avec Doc. Hein. Moi, je mate et je touche. Bah, Alice, non, t'as rien touché. Non, mais attends, c'est normal de poser son regard sur Alice, non? Bah, pourquoi? Là, je croyais que t'étais fidèle. Ah, mais, et justement, bah, c'est bien la preuve qu'on peut regarder et être fidèle. Voilà. Eh ben finalement, bon, enfin, bah... le soir, ils partent tous les deux, ils s'enferment dans l'ascenseur à toute vitesse. Bien sûr, donc continue comme ça, tu vas avoir des problèmes. Je te le dis, moi, sinon je balance tout sur Katoche. Hein. Jonathan sera avec nous sur Fun Radio. J'ai rien caché avec elle. Jonathan, 20 ans de Mulhouse. Bonsoir, Jonathan. Salut à tous. Salut, Jonathan. Salut. On va parler de ton bizutage dans un instant. Hein. C'est ça qui s'est mal passé et tu veux justement passer un coup de téléphone avec la personne avec qui ça s'est mal passé. On aura aussi Germain, 16 ans de Nancy. T'es là, Germain? Salut Karel, salut Doc, salut Alice, comment ça va? Salut. Ça va bien Germain, t'appelles pourquoi? Bah moi j'aimerais savoir comment pimenter ma vie de couple. Bah bien sûr, on va t'aider, attends, on a tout, tous les ingrédients là. Reste avec nous, on s'en occupe après The Chainsmokers. Voici Closer sur Fun Radio, c'est Love in Fun jusqu'à 22h. Hey, I'm doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls, now you're looking pretty in a hotel bar. And I can't stop, no. Shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. You look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay, I know it breaks your heart. Chainsmokers, Closer sur Fun Radio. On a besoin de vous. Je vous en supplie, il faut que vous m'aidiez. L'appel à l'aide de Love in Fun sur Fun Radio. L'appel à l'aide sur Fun Radio cette année. On vous sort de la galère. On trouve des solutions à tous vos problèmes. Et ce soir, on va aider Jonathan. Jonathan de Mulhouse. Bonsoir, Jonathan. Salut. Bonsoir. Salut, salut à toi, Jonathan. Salut. Tu fais quoi dans la vie? C'est quoi ton école à toi? C'est l'école de chimie à Mulhouse. D'accord. L'école de Mulhouse. École de Mulhouse, c'est une école ingénieur, hein, c'est ça? Ah oui, c'est ça, oui, pardon. D'accord, ok. Et tu viens juste de commencer là, et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, tout se passait bien, l'accueil était super, super ambiance. Mais vendredi soir, il y a une soirée où il y a beaucoup d'alcool, j'étais bourré. Oui. On m'a incité à faire un striptease à l'ancien président du BDE. On t'a fait faire un striptease à l'ancien président du BDE. Ouais, des bureau des étudiants. Ouais, bureau des élèves. Ouais. Des élèves, oui. D'accord. Okay. Donc tu lui fais un striptease. Et donc, pensant que ça faisait partie de mon intégration, j'ai accepté de le faire. D'accord, ouais. Tu t'es retrouvé donc à poil devant lui, quoi. C'est ça, ouais. Donc, dents, vêtements, tout s'est passé. Même plein de photos, vidéos qui ont été prises. Ah, tout le monde te prenant en photo, machin, quoi. Ouais, et c'est allé jusqu'où, alors? Et bah, à la fin, le mec, il m'a fait une grosse peine. Ah, il t'a... Ah, putain, il t'a emballé, quoi, le mec. Mais il t'a touché, enfin, non? Il t'a caressé? Non, enfin, il m'a touché le cul, quand même. Donc, il t'a touché le cul, ok. Il est homo, il est hétéro? Ah oui, il est homo, oui. J'ai appris ça après. Ah oui, quand même. Ah oui, t'as su ça après? Bon, bah, écoute. Il a su ça après, non? Non, il a su ça après. Ah, c'est pas pareil. Mais non, mais... tu disais ça, bon. On aurait pu. T'as su ces personnes, Jonathan? Non, j'ai d'accord. Donc, du coup, est-ce que tu c'est traumatisant pour toi, ça t'a... Ouais, j'étais choqué. Non, mais je rappelle que chaque année, il y a des procès... Au bizutage ils ont des pratiques de bizutage qui normalement sont interdites. Je rappelle, c'est interdit. Hein. Ouais. Moi, pour l'avoir vécu, je suis assez d'accord. Qu'est-ce que t'as fait, toi, Doc? des trucs cons, des trucs stupides, des interrogatoires. Des interrogatoires, ouais, en médecine, ils s'éclatent, hein, niveau bizutage. Et puis... je te fais un petit interrogatoire. C'est vrai que... questions scientifiques. Allez. T'es à poil, et moi, je me souviens, j'avais dû passer, il y avait des mecs qui étaient allongés. Ouais. Et à la verticale, j'ai dû passer sur eux. Ah d'accord. Tu marchais à poil sur les gens. Couché. Ah, tu devais ramper à poil sur eux. Ouais. Et eux, ils étaient nus aussi. Reproduction quelques années plus tard, Doc. Je m'allonge. Mais c'est un gangbang, ça, Doc. Non, mais c'était des gros cons. C'est sûr que c'était des gros cons, ça, je confirme. Mais en me mettant, en ouvrant la bouche, en fermant les yeux, il y avait un bandeau sur les yeux. Et en fait, après, je montrais les photos. Il y avait, je pense, hein, Pastori, c'est pas mis complètement, mais la bouche ouverte devant ce qui devait être trouvé chez le boucher, un pénis de taureau, une connerie comme ça. D'accord, ok. Ah ouais, d'accord. C'était des gros cons. Ah, c'est violent quand même. Gros cons. Ah ouais, non. Je le dis maintenant, même longtemps après, c'était des gros blaireaux. Ok. Dire ah bah là, le message est passé, Doc. Ah, tu l'as mal vécu. Ah oui. Non, le pénis de taureau n'est pas passé. Ah bah Doc a déjà mis un pénis de taureau dans sa bouche. Ah bah moi, ouais, ça m'a fait ma soirée. qu'est-ce que tu peux penser de ça, même dans vos années après? Non mais je sais bien. C'est horrible. Donc tu vois, c'est pas mieux, Jonathan, ce qu'ils m'ont fait. Ah bah non, c'est pire. Merci pour toutes ces informations. Jonathan a trouvé que c'est rien, quoi. Ah non, si, c'est non. Franchement, Jonathan, c'est peanuts à côté de Doc. Là, tu t'es retrouvé à faire un striptease devant ton collègue. Là, qui s'occupe du BDE, tu voulais l'appeler ce soir, pourquoi? Pour mettre les choses au clair en lui disant que rien ne se passera après. Non mais c'est pas parce que... Non mais on va... Attends, on va lui foutre un peu la trouille, bouge pas. Il en sait un doc, tu veux lui faire peur? Ouais. Mais pourquoi tu veux lui faire peur? Parce que c'est un connard. Ok, non. Il en fait une affaire personnelle. Mais c'est une situation, on te dit... Non mais attends, tu n'as pas rampé tout nu sur lui. Hein, quand attends. On te dit, voilà, tu rentres dans une école, pour t'intégrer, tu vas être obligé de faire un certain nombre de choses. C'est contre ton gré. Donc, ils te font un peu boire, c'est ce qu'il a fait. Et là-dessus, il faut faire des choses que tu ferais pas en temps normal. Bon, après, quand c'est bon enfant, ça passe. Il a déconné jusqu'à ce que le mec lui roule une pelle. Hein, donc, ça va. Il était même à poil, il a mis la main sur les fesses, il lui a roulé une pelle. Bon, et Guy. T'as pas une érection, non? Il s'appelle Guillaume. Il s'appelle Guillaume. On l'appelle, c'est parti. Bon, c'était quand cette histoire? C'était jeudi, là? C'était vendredi soir. Vendredi soir, ok, d'accord. Ils sont pas ces trucs ce week-end. Pendant ce temps-là, moi, je joue à World of Warcraft, tranquille. Oh, putain, mon démon Hunter. Oui, allô? Ouais, c'est Guillaume. Oui? Ouais, tu sais, c'est Jonathan, tu sais, c'est ici? Non. Tu sais, en première année, le mec qui t'a fait un striptease vendredi soir. Hein. Jonathan? Ouais? Ouais? Et je t'appelais pour qu'on en parle. Hein. De passer. Attends, je t'entends super mal. Je t'appelle pour qu'on en parle. Ah bon? Parce que tu sais, après, t'es revenu à la charge, t'as m'a fait des câlins. Moi, j'étais super gêné. Ouais. Parce que je savais pas si tu comprenais que j'étais hétéro et que je voulais m'arrêter là. Oui. Que j'aurais pas de suite. Oui, y a pas de problème. Jonathan! T'es avec qui au téléphone? Ah, je suis avec Guillaume. Mon amour. Ouais, ouais, voilà. Bon, je voulais te mettre dans la merde, mais comme on entend très très mal Guillaume, il est sur notre planète. Guillaume, ouais. Guillaume. Oui. Guillaume, c'est quoi cet abus de confiance? Sans déconner, Guillaume, on ne t'entend pas là. C'est un vacarme. T'es en direct sur Fun Radio dans toute la France, là, Guillaume. Ah, je croyais que c'était RTL2, moi. Non, bah pas du tout, non. Non, monsieur est de l'humour. Monsieur veut faire rire. Okay. Et dis donc, c'est quoi cette façon de bizuter les gens, de les embrasser sur la bouche alors qu'ils sont pas homo, et de les apposer un striptease simplement pour les intégrer? C'est quoi cette pratique archaïque? Hein, pardon? Guillaume, c'était bien un bizutage, non? Ah, t'es plus fier là? Excusez-moi, j'ai pas pu. Non, mais c'était bien à l'occasion d'un bizutage, Guillaume. Non, c'est pas un bizutage. Bah non, c'est une soirée. C'était une soirée. Bon, là, par contre, je suis désolé, mais. On va respirer, on est dimanche, okay, tranquille, on va pas se faire emmerder. On va dire que c'était pas un bizutage. Ouais, ouais. Bon, et Jonathan, c'était pas un bizutage. Ouais, mais c'était pas. Ok, mais je voulais mettre des choses au clair au niveau de l'école pour pas que les autres étudiants pensent que. Que t'es homo. Mais d'accord, voilà, c'est clairement dit. Il y a des choses à dire aussi parce qu'il y a des photos qui ont été prises, des vidéos. C'est pas clair, ça. Et t'aimerais pas que ça se retrouve un peu partout, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Et est-ce que ça, tu l'entends, Guillaume? Ouais. Ouais, il y a moyen ou pas? C'est qui? Je m'appelle. Alors, bonsoir, je m'appelle Karel. Il s'appelle Karelou. Oui, Karelounet. Et je suis avec Doku et Alice. Non, j'ai eu peur. Alice. Et on est ensemble sur Fun Radio. Tu connais? Voilà. Ah, ça y est, il est raccroché. Ouf. Ah ouais, mais eh ben, ça fait du bien aux oreilles. Il est pas très foun aussi. Ah bah, il est pas très foun. Il préfère. Ah oui, il préfère autre chose. Il préfère. Oui, bon. Bon, et Jonathan, je pense maintenant que ça va le faire un petit peu flipper. Le fait de se retrouver comme ça sur Fun Radio, tu vas obtenir, à mon avis, réparation au niveau de tous ces téléphones, voilà, qui t'ont filmé, là. Si effectivement il diffuse sur les réseaux sociaux, c'est scandaleux. Ouais, il faut que tu fasses attention à ça, mais à mon avis, ils vont pas le faire parce qu'ils risquent d'avoir des problèmes aussi avec l'école. Hein. Ah bah, donc, ça, c'est sûr. Mais suis le dose de près, hein. D'accord? Ok, ça marche, merci. Bon, ouais. Salut. Jonathan, tu peux ne plus t'inquiéter, il t'emmerdera plus jamais, le gars. Hein. Grave. Ça, c'est sûr et certain. Là, il est en panique, il vient de raccrocher. J'ai eu Fun Radio au téléphone, mais ils sont fous. Gros bisous à toi, en tout cas, merci d'avoir appelé. Salut. Pour passer une dédicace, Vas-y, mon Jonathan, vas-y, on t'écoute. On voudrait passer une dédicace à mon groupe de chasse Blanche Fesse et les Neuf Queues et à tous les étudiants de l'ENSMU. Ça, c'est fort. Blanche Fesse et les Neuf Queues. Eh ben écoute, on leur fait des gros bisous. Salut les chasseurs. Salut les chasseurs. Germain, je me demande ce qu'ils chassent. Germain de Nancy, t'es là, Germain, dans un instant. Bah oui, je suis toujours là. Ah, bah bonsoir Germain, tu veux pimenter ta vie sexuelle? C'est ça. Alors, ne t'inquiète pas parce que notre auditeur du soir, Lucas, qui fait de la radio avec nous ce soir, a plein de conseils, n'est-ce pas, Lucas? Ah oui, énormément. Hein, toi, t'as jamais eu de meuf, en fait? Oh bah si, quand même. Ah bah voilà, donc tu vas pouvoir le conseiller. Oui, d'accord. Ah ouais. Bon, ouais, je vais le conseiller. Il a 14 ans, Germain. Rassure-toi, on sera plusieurs quand même sur le coup. Hein. et on fera aussi le défi Fallait pas demander. Vous connaissez ça, Lucas et Germain, le défi Fallait pas demander? Ah bah oui. Ouais, bah tu sais, à force de 3 ans d'écoute avec vous, à force on s'y habitue. Ah, comment ça, à cause? On s'y habitue. Déjà, le défi Fallait pas demander, ça fait même pas 3 ans, ça fait on doit être sur la deuxième année là. Et on a eu un défi Fallait pas demander exceptionnel avec Alice qui a participé. C'est Hugo, 22 ans d'Avignon, qui avait posé une petite question à sa copine qui lui avait demandé: bébé, est-ce que ça t'arrangerait de faire un petit plan à 3? On va écouter ça en intégralité dans un instant, ratez pas ça. Hein. Vous l'avez déjà entendu, ça a mourir de rire en réécoutant. Et si vous l'avez pas entendu, bah alors là c'est encore mieux. Vous bougez pas, et Carlas Dream sous Pielami, à tout de suite. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. You guys ready? Fun Radio. Yeah. Vous a réservé les ultimes places. Justin, beep, beep, beep. Pour le concert de Justin Bieber. Hey Justin. Pour y être, écoutez Fun Radio. Right now. Is it too late now to say sorry? Dès que vous entendez de Double Fun avec deux tubes de Justin Bieber à la suite, soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous gagnez vos places pour le concert événement de Justin Bieber à l'Accor Hotel Arena à Paris. Justin Bieber. C'est le Double Fun sur Fun Radio. Fun Radio. Bannure.

C'est un testicule, pas une. Ah pardon. Tu vois, j'ai encore des choses à apprendre, Doc, à tes côtés. Hein. On ne dit pas un testicule, une testicule. Germain est avec nous, mais dans un instant, on va l'accueillir. D'abord, on lit vos messages sur les réseaux sociaux. Alors, c'est parti pour quelques messages qui sont arrivés, là. Un message de Léonie. Avant, je me faisais chier le dimanche soir, mais maintenant que vous êtes de retour, je suis vraiment contente de rester à la Merci. Maison. Bisous à toute l'équipe. Et un autre message de Virginie sur le hashtag Love in Fun qui dit « Dora sans babouche, c'est comme moi qui n'écoute pas Love in Fun. Ouh. C'est impossible. » Mais oui, Dora, on embrasse... Oh, t'as Dora, c'est horrible. Dora sans babouche. Ah ouais. Germain, t'es là ? Alors, Germain, toujours là, moi. Qu'est-ce qui t'arrive ? Salut Germain, t'es à Nancy, raconte-nous un petit peu là, pourquoi t'appelles toi ? Alors en fait, je vous appelle ce soir parce que là, ça fait 7 mois que je suis avec ma copine le 21. Ouais. Et j'aimerais pimenter ma vie de couple, quoi. Connaître comment sentir ses fantasmes et tout ça, des choses comme ça. D'accord. Tu peux déjà nous raconter comment ça se passe ta vie de couple avant de chercher l'exceptionnel ? Bah, ça se passe plutôt bien, quoi. C'est-à-dire ? On a des rapports protégés. Souvent, on va pas faire un cours de protection. Je parle de rapport sexuel, non, voilà, pas des capotes évidemment. Est-ce que vous arrivez à jouir ? Ouais, elle oui, beaucoup. Ah, bah c'est très bien ça. Donc ouais, mais. Mais toi, tu te fais chier. Je sais pas. Voilà, moi je j'arrive pas à sentir le truc qui me manque. Ah ouais, putain, on dirait que t'es bloqué par la capote. Je sais pas la façon dont t'as parlé de ça. Et qu'est-ce que tu voudrais alors ? Qu'est-ce que tu voudrais ? Non, je sais pas. Un truc qui change, quoi. Elle est comment au lit ? Qu'est-ce que vous arrivez à faire ? Qu'est-ce que vous faites pas ? Est-ce qu'il y a des positions que toi t'aimerais bien faire ? C'est quoi tes fantasmes ? Tu vois ? Dites-nous comment ça se passe au pieu. C'est quoi, par exemple, on va dire quand vous faites l'amour, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est toujours la même chose ? Ouais, c'est souvent la même chose, en fait. Et tu voudrais quelque chose, t'arrives pas à en parler, ça qui est étonnant. Nous, tu peux le dire, on va pas te dire qu'il faut pas. Qu'est-ce que tu aimerais faire qu'elle ne veut pas faire ou que tu n'oses pas lui demander ? Comme moi, j'aime bien la levrette, mais elle ne l'aime pas. Ah oui, déjà. Oui, et ensuite ? Putain, c'est la base. Je sais pas. Mais attends, tu sais que t'as une imagination en termes de sexualité aussi, tu peux imaginer beaucoup de choses. Parce que là, si on te donne un petit catalogue de ce qu'il faudrait faire ou pas faire. Ça peut, oui, pourquoi pas, ça peut être suggéré, mais c'est aussi à toi d'inventer. La levrette, parce que c'est toujours la même position, vous faites comme papa et maman, quoi. C'est le ça. Missionnaire ou le missionnaire inversé. Ah ouais, non, c'est ça. Ah ouais, okay. Même pas une petite cuillère de temps en temps. Pour le reste, les relations sexuelles, il n'y a que ça, ça. Et vous avez des rapports sexuels fréquents ? Elle te suce ? Ouais. Non, en fait, j'ai déjà essayé de lui dire, tu veux que je te fasse un cunni, des choses comme ça, elle est bloquée, elle ne veut pas. Combien de temps vous êtes ensemble ? 6 mois. 7 mois, là. Ça fait 7 mois. Écoute, en fait, tout le monde imagine que les rapports sexuels doivent être extrêmement variés et tout. Non, l'érotisme, c'est la base essentielle. C'est tout ce qui concerne le rapport sexuel en dehors du coït. Et ça, effectivement, tout est imaginé. Est-ce que tu l'aimes vraiment ou pas ? Ah oui. Ah d'accord. Oui, est-ce qu'elle t'aime ? Bon, dans ce cas-là, laisse-lui un peu de temps, mais tu peux la conduire sur des chemins qui t'intéressent. Savoir comme dans une relation sexuelle. La conduire sur des chemins qui t'intéressent. Ah oui, donc si je veux me faire sucer, comment je la conduis, Doc ? Là, visiblement, il n'y a pas à conduire. Mais bon, il y a d'autres pratiques. Enfin, voilà. L'essentiel, c'est quand même le plaisir que vous éprouvez l'un pour l'autre, avec l'autre, ensemble, et ce que vous partagez en même temps. Et de savoir, est-ce qu'il y a des pratiques extraordinaires qui vont donner ? Non, je ne crois pas. Il n'y a pas de pratiques extraordinaires. C'est partager quelque chose dans le rapport sexuel. Toi qui es une fille, d'accord. Alice, tu peux comprendre que la copine de Germain, elle fait qu'une seule position, elle a du mal à sucer son mec. Hein. Je pense qu'elle n'est pas encore totalement prête et qu'elle manque peut-être un peu de confiance en elle, qu'elle a peut-être peur de mal faire ou qu'elle a peur que voilà. Enfin, je pense que ça peut jouer par rapport à ça. Ou peut-être qu'elle a peur aussi de l'image qu'elle peut renvoyer en faisant une fellation, parce que quand t'es jeune comme ça, c'est la première fois, c'est toujours particulier. Faut pas trop lui demander, parce que tu disais tout à l'heure, je lui propose des cunis, je lui propose des trucs comme ça. Moi, je pense que ça vient plus naturellement quand c'est dans le feu de l'action. Et que, d'accord. À la limite, de fil en aiguille, tu te rapproches un peu plus de la partie basse. Et puis tu vois si elle te repousse ou pas. Mais je pense que dans le feu de l'action, dans l'excitation, peut-être que ça va lui plaire. Et d'autre part, il y a ce qui se passe dans la tête. Il ne faut pas l'oublier. Tout le monde pense que c'est uniquement comme un cours de gymnastique. Il faudra à chaque fois inventer une nouvelle position. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a aussi un mécanisme à fantasme qui fonctionne beaucoup, de choses qui fonctionnent dans la tête et qui provient beaucoup d'excitation. Il y a des situations en dehors du lit, en dehors de la chambre, peut-être même en dehors de la maison, des situations que tu peux inventer aussi, je sais pas, lui donner un rendez-vous dans un lieu insolite, une fontaine. Lui suggérer des tenues un peu affriolantes, pourquoi pas. tout ça, mais t'as l'impression que t'es comme ça, t'attends qu'on te donne des solutions. Tu peux aussi inventer, tu sais, t'as le droit. Deviens le maître de ta vie. Voilà. Tu comprends, Germain. Hein, c'est... Mais voilà. Les situations, à toi de les créer. En gros, il n'y a pas que le lit dans la chambre. On a Lucas, d'accord, qui, je le rappelle, à 14 ans, a déjà connu de nombreuses copines, oui, qui voulaient te filer un petit conseil. Lucas, qu'est-ce que t'en penses, toi, pour Germain? Ouais, c'était chaud. Ah, bah, c'était chaud, non? Pourquoi c'est chaud? Germain, si t'arrives pas à pimenter ta vie de couple, c'est que t'es pas excitant, hein, voilà. Allez, non, mais... Je rigole. Ah ouais. Non, mais il y a toujours un fond de vérité derrière ce qu'on dit. Écoute, Germain, on a tout dit ou presque. Hein, c'est des pistes. Moi, je préfère suggérer des pistes plutôt que donner un catalogue de recettes. Et ça fait que 6 mois. C'est pas non plus énorme. Ouais. T'es jeune, tu vois. Tout ce que tu proposes, faut qu'il y ait une adhésion. C'est quelque chose qui se partage. Tu imposes pas. Ouais. Ok. Moi, à 16 ans, j'avais pas encore fait l'amour avec une fille. J'avais juste touché les seins d'une fille, quoi. Tu vois. Donc. Qu'est-ce qu'il avait imaginé dans sa tête? Je te dis pas. Hein. Ah, par contre, il avait retourné dans tous les sens dans sa tête. Ah bah ouais, ça c'est clair. Mais bon, voilà, Germain, déjà, tu fais l'amour avec ta nana et tout va bien, quoi. Maintenant, ça va changer au fur et à mesure. Parce que elle aussi. T'as déjà de la chance, il y en a qui font pas du tout l'amour. Ah bah oui, non, mais je pense à tous ceux qui ont 16 ans et qui nous écoutent et qui se disent putain, il a quand même du bol, ce Germain. Hein, parce que bon, déjà, c'est déjà pas mal. Tu comprends, Germain? Ouais, y a pas de soucis. Ça va venir. Je suis persuadé que si tu continues d'être avec elle et que t'es fidèle et tout, ça va venir tout seul. Ok. Par contre, j'ai lu sur internet que en léchant l'oreille, des trucs comme ça, ça pouvait procurer quelque chose, mais je sais pas. Ouais, mais c'est pas ça non s'appelle... plus un code magique. Ça s'appelle des zones érogènes. C'est flippant des fois. Ça s'appelle des zones érogènes secondaires qui sont variables d'un individu à l'autre. Il y a des personnes qui vont être sensibles sur certains points de leur corps beaucoup plus que d'autres. Parce que voilà, donc, ça les excite. À toi de les trouver. Tu pars à la chasse au trésor. Là. C'est ça. Tu peux aussi lui demander s'il y a des endroits qu'elle aime bien et tout, en particulier. Quoi. Ok? D'accord. Okay. Bah, bonne chasse alors. Ouais, merci. Salut Germain. Salut. Est-ce que c'est possible d'avoir un agenda, un pack love and fun? Ouais, on va gérer ça au standard pour le pack love and fun. D'accord? Salut à toi, Germain. Salut. Gros bisous mon poteau, et fallait pas demander dans un instant sur Fun Radio avec le meilleur de la semaine, c'est Hugo, 22 ans d'Avignon, qui avait en fait demandé à sa copine s'il y avait moyen de faire un plan à trois. Alice est rentrée dans la danse et nous a fait mourir de rire. Restez bien avec nous, on écoute tout ça en entier juste avant Carla's Dream sous Pied l'ami sur Fun Radio. Love in Fun. Eu te rog să nu faci prostii. Eu nu-s prost, dar mă tem cumva. Te ține de mine, de noi, pentru că tu ești sublimea mea. Carla's Dream sur Fun Radio. Love in Fun. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Dimanche soir, comme tous les soirs sur Fun Radio, vous pouvez nous appeler au standard 01 42 48 5000. Continuez de laisser vos messages sur les réseaux sociaux. Là, il y a le Facebook de l'émission, Love in Fun, bien sûr. La fanpage de l'émission, n'hésitez pas à les liker d'ailleurs. Vous avez accès à toutes les photos, les vidéos qu'on prend régulièrement pendant les émissions. Et puis, tous les sujets où vous pouvez réagir pendant l'émission, c'est Alice qui les lit à l'antenne. Rejoignez-nous aussi sur le Twitter, hashtag Love in Fun, ou sur le Snapchat, Love in Fun Radio. On va se réécouter l'un des meilleurs défis, fallait pas demander de la semaine. Ils étaient tous bons, franchement. La semaine dernière, mais c'est vrai que celui où on a entendu Alice faire la fille qui avait envie de faire un petit plan à trois, la grosse peste. Ah ouais, ouais, c'était c'est énorme. Ça. Le défi, fallait pas demander. On le fait tous les soirs dans l'émission. C'est vraiment un rencard pour se marrer. Et c'est Hugo qui nous avait appelé. En fait, Hugo à Avignon, 22 ans, qui s'était dit, bah, je vais complètement énerver ma meuf en lui posant la question, bébé, est-ce que ça tente un plan à trois? Vous allez voir ce que ça a donné. Elle a pété un câble. Allô. Oui, coucou bébé. Coucou. Je t'appelle pour te poser une petite question un peu spéciale. C'est pour savoir si ça t'intéresse de faire un plat à trois. Quoi? T'es pas sérieux là? Bah si, c'est là que je suis en train de parler avec un collègue et c'est vrai que lui, il en a déjà fait quelques-uns et il m'a chauffé pour le faire avec toi. Ça va pas bien toi des fois, hein? Bah, après tu peux essayer d'être ouvert, d'essayer de me comprendre. Je suis un garçon. Ben ouais, mais non. En plus là, j'ai à la soirée là, j'ai mon collègue là, j'ai fait connaissance avec une fille et quoi? Elle a l'air assez... Une fille? Quoi? Ben oui, une fille. Elle a l'air assez ouverte pour le faire. Ah et normalement il devait pas y avoir de fille normalement à ta soirée. C'est bon, elle a dit oui. Bah attends, pas encore. Mais attends, mais là, t'es sérieux ou quoi? Ben, c'est pas ma faute. Mon pote, il me dit qu'on allait être que tous les deux. Après, il a invité des copines, je peux rien y faire, hein, on est chez lui. Hein. Ouais, parce que ça fait 5 minutes que t'es au courant. Parce que si t'as parlé avec elle déjà tout ça, ça veut dire que ça fait un moment qu'elle est là, donc t'aurais pu prévenir, non? Oui, je suis d'accord, mais c'est qu'après, vu que j'allais te poser la question, je préférais faire connaissance d'abord avec elle et j'ai vu qu'elle était assez ouverte. Allez, Hugo, je suis toute mouillée. Ouais, ben moi, je suis pas ouverte. Allez, Hugo. Bah, allez. Mais tu peux lui dire qu'elle nous laisse parler, s'il te plaît, là? Non, mais attends, mais après, j'ai fait l'année dernière, déjà, et ça s'est bien passé, donc j'aimerais bien le faire avec toi. Attends, t'as fait quoi l'année dernière? Bah, j'ai déjà testé le plan à 3. Ah, d'accord. Et l'année dernière, t'es pas avec moi, peut-être? Si, si, mais on parle pas de ça. Donc, en fait, là, tu me prends vraiment pour une abrutie, là. Non, non, mais là, je te parle là, maintenant. Ouais, mais moi, je te parle pas maintenant. Ben, non. C'est bon, si elle veut pas, raccroche, laisse tomber. Ouais, j'attends, je vais essayer de la convaincre. Mais oui, ben oui, bien sûr. Non, mais t'es vraiment sérieux, là? Ben, on peut essayer, en plus de ce qu'elle me fait comprendre, parce qu'on a parlé un petit peu. Non, mais déjà, attends, tu peux régler le problème l'année dernière, là, s'il te plaît? On parle pas de ça, je te pose une question. Mais moi, je te parle de ça. Mais moi, je te parle de ça, donc maintenant, t'assumes, et tu me dis. Ben, je te dirai après, mais d'abord, on va parler... Ben non. Mais toi, tu crois quoi, toi? Tu me rends pour qui? Mais en plus, je sais que t'es pas trop fan de la sodomie et elle m'a dit qu'elle aimait bien, donc ça pourrait être. Eh ben écoute, sympa. T'as mieux pour toi, mais tu sais quoi si t'es pas content? Eh ben tu vas la voir. Allô? Et moi tu m'oublies. Qu'est-ce que tu veux toi? Bah t'es qui? Bah t'es qui toi? C'est toi qui viens me parler. Bah, c'est bon, là ça fait 3 minutes, il est au téléphone avec toi, tu commences à me gonfler, on va raccrocher, tu veux pas, t'es pas open, bah on laisse tomber, c'est bon. Bah déjà je te connais même pas, donc. Bah moi non plus je te connais pas et même pas parler de toi, on en a rien à foutre. Ben voilà, ben alors barre-toi déjà, si tu veux faire quoi que ce soit, tu vas sur les trottoirs, au moins tu pourras essayer. Ben j'ai pas eu besoin, vu qu'on est ensemble, j'ai pas besoin d'être sur un trottoir, on a un lit, on est cool. Ah bon, mais écoute, mais toi tu te prends vraiment pour je ne sais pas quoi, mais tu non, vas... Non, je me prends pour rien, mais je sais qui va me prendre en tout cas. Ah bon? Ouais. Eh ben écoute, c'est ce qu'on va voir. Moi je te connais pas, mais tu vas bientôt me connaître. Mais ton mec il me connaît mais vraiment bien, là, de plus en plus on apprend à se connaître, c'est et pas bien, mal. Hein. Tu sais quoi? Et bien en vrai, le mec. Hugo, t'es vraiment un gros pauvre. Et il t'entend pas. Tu peux vraiment m'oublier, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Et en plus, il paraît que tu veux pas faire de la sodomie. Alors, il m'a dit, ma meuf, elle veut pas faire mais la sodomie. Mais est-ce que c'est ton problème, toi? Eh, t'es coincé, non? T'es coincé. Tu sens... Ah, t'as l'air d'être relou. Je vais lui dire que ça sert à rien qu'il continue à t'appeler. Mais tu sais quoi? Mais t'es vraiment Vas-y, je te le repasse. Eh, t'es relou, vas-y. Ta meuf, elle est relou. Bon, après, je vais... Ah bah, elle a raccroché, ça a tellement bien marché. Alice a tellement bien joué la comédie que du coup, la meuf, elle est dégoûtée, elle a raccroché. Non, mais rappelle-la. Là, vous l'avez torturée, la peau. Alors, c'est le défi. Hein. C'est le défi. Non, enfin bon. Hugo. Oui. Bonne soirée, à bientôt. À bientôt, Hugo. Et merci d'avoir appelé. Allez, love it, fun. Non, on va arrêter. Céline, notre auditrice du soir, est avec nous. Arrête. Radio Connard. Vous non, écoutez Radio Océane. Connard. Alors, Hugo, on rappelle tout de suite Océane, d'accord? Allez, on va essayer. Allez, c'est parti. Mais tu lui parles avant. On y va. Tu lui parles, bien sûr. Tu lui dis, je comprends pas, pourquoi t'as raccroché? Je t'aime. Allô? Oui, je comprends pas pourquoi t'as raccroché, on était en train de parler tranquillement. Bon, écoute, maintenant, tu sais quoi, tu me dis, tu peux effacer mon numéro, tu me rappelles même pas, tu vois, t'as caressé avec ta meuf, c'est bon? Mais attends, t'as pas besoin de t'énerver. Non, allez, c'est bon, ciao, salut. Océane, raccroche pas. Ah merde, rappelle tout de suite, rappelle. Oh, t'as pas été assez rapide, là, elle va pas décrocher, là. Elle va plus décrocher. Je sais pas. Attends, je vais lui parler. Attends, il va falloir rattraper le coup, là. Moi, je lui parle, si tu veux. Océane? Oui, bonsoir Océane. Oui. Bienvenue, tu es en direct sur Fun Radio, c'était un piège. Désolée, c'était le défi, Océane. Fallait pas demander. Océane. Avec. Ah, et si, t'es en direct. Dans je toute la France. Drôle quand même. Et on applaudit Océane. Je pense qu'elle n'a pas apprécié la blague. Mais non, en même temps. Bon. Bah attends, mais c'était très drôle à écouter. Donc, mais si, ah bah si. Ah, si. Oh, Océane, c'est un défi. Le défi, fallait pas demander. Tu connais Fun Radio? Oui. Bah t'es dans Love in Fun là et Hugo il a participé au défi pour repartir avec la nouvelle extension de World of Warcraft Légion. D'accord. Et c'est gagné Hugo, on peut t'applaudir. Merci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vas plus voir ton homme pendant un mois. Il va geeker 24 heures sur 24. Et ça il est très content. Hugo, bravo, félicitations à tous les deux. On vous fait des gros bisous. Ça va mieux Océane? Oui. T'as quelque chose à dire à Alice qui... Ah oui, Alice, elle est animatrice. Non, moi, en j'ai fait. Quelque chose à lui dire. Je suis désolée, Océane, mais bon, c'est quand même pour le jeu, c'est important. Non, mais. C'est sûr. Moi, j'ai noté... Il a eu son cadeau. Elle est gentille. J'ai noté une histoire de. Moi, je fais pas de sodomie. tu vois. Voilà. Bon, ben. Ah, il y a des bruits qui courent. Ah, ouais. Amusez-vous bien, profitez de la vie, les amoureux. Salut Hugo, merci. Salut Océane. Salut. Ciao. 0142 48 5000, à repart avec le sourire. Ça fait plaisir. Fallait pas demander. Dans Love in Fun. Sur Fun Radio. Love in Fun, tous les soirs sur Fun Radio. Et si vous aussi voulez participer au défi Fallait pas demander, on le fait bien sûr, hein, comme chaque soir en direct sur Fun Radio dès demain au standard 01 42 48 5000. On sera avec Alexandre aussi. Alexandre, 22 ans, un angevin. Salut Alexandre. Salut Karel, salut l'équipe. Salut. Salut Alexandre. T'appelles pourquoi? Alors, donc moi j'ai rencontré un mec sur un chat, sauf qu'il avait pas la même tête en vrai. Ah, et tu vas venir nous raconter la surprise. Piège classique. Ah ouais, piège d'internet, tu sais, tu vois une belle photo et quand tu vois la personne en vrai, bah c'est pas la même, bizarrement. Dites-nous, ça vous est déjà arrivé, là, vos rencontres sur internet en vrai, en IRL, 0142 48 5000, voici DJ Snake. We were burning on the edge of something beautiful, selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Let me love you. Deux superstars mondiales, DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You. 20h, 22h. 0 42 48 5000. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Avec Doc, Karel, Alice et avec un drame. Un drame là maintenant sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Doc, on a besoin de toi. Axel est avec nous. Je suis à l'écoute. Il a 17 ans, il est vendéen. Bonsoir Axel. Salut. Bonsoir. Axel. Salut Axel. Salut Karel, salut Doc. Salut, salut. Axel. T'es où en Vendée toi? À côté de Montaigu. D'accord, ok. Alors Axel, raconte qu'est-ce qui s'est passé à Montaigu ce week-end. Je me suis fait un gros bleu derrière les couilles. Attends, sur les couilles ou derrière les couilles? Non, derrière. Aïe. Le testicule n'est pas atteint? Non, pas du tout. Alors, il n'y a pas de danger? Oui. Quoi? Comment s'est passé l'accident? Je suis parti en VTT avec des potes. Et du coup, j'ai mal pris une bosse et puis j'ai mal atterri. T'as fait un accident de VTT? Voilà. D'accord. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe donc quand on a un bleu derrière les couilles? Il faut qu'il se résorbe, c'est tout. Le testicule n'est pas atteint, donc il n'y a aucun danger. De quoi tu as peur? Pour plus tard, si je ne pouvais pas avoir d'enfant ou de plus. Ah bah oui, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Tu n'auras que des filles. Hein. Mais... Normalement, c'est la couille droite ou la couille gauche? Non, mais il n'y a aucun danger parce que les testicules ne sont pas atteints. C'est vrai que, et alors je vais même te dire, quand bien même il y aura un traumatisme des testicules qui puisse être abîmé, l'autre testicule est suffisant pour assurer une bonne spermatogénèse, donc fabrication de spermatozoïdes. Il n'y a pas de danger, mon ami. Il faut quand même sucer la plaie, Axel, c'est important. Il n'y a pas de plaie, c'est juste un bleu. Ah ouais, bon bah il faut sucer son bleu. Ça fait mal? Ouais, sur le coup, ouais, mais là, ça s'est diminué, c'était jeudi dernier, donc ouais. Ça va. Tu peux dormir tranquille. Ok. Ça ne retentira pas sur ta progéniture future. Tu peux dormir sur tes deux couilles, tranquille. Ouais. D'accord. Ouais. Salut Axel. Salut. Ciao mon poteau. Il est rassuré quand même, ça fait plaisir. Il repart avec le sourire, tu vois. C'est ça la Vinfun. Ouais. Je me suis fait un accident de VTT, j'avais mal aux couilles. Bah maintenant, je me sens mieux. Et ça fait plaisir. Alexandre, 22 ans d'Angers. T'es là, Alexandre? Oui, je suis là. Salut. Alexandre, on va parler des réseaux sociaux. Hein. Toi, raconte vite fait ce qui t'est arrivé. Alors moi j'ai rencontré un mec sur un chat, ouais. Et donc on a proposé, enfin il m'a proposé qu'on se rencontre en vrai, ouais. Et en fait c'était pas du tout la même personne, c'était voilà. Genre 20 ans de plus, tu vois. Ah ouais, ah ouais. Le bon pervers. Ok. C'est ça, t'es passé de Jonathan 19 ans à Michel 57 ans. Voilà. Ouais, c'est un peu ça. Allez, tu bouges pas Alexandre, tu vas tout nous raconter. Surtout dites-nous hein, si vous avez déjà rencontré comme ça des gens suite à une discussion sur internet, vous avez vu une belle photo de profil et quand vous avez vu la personne en vrai, la catastrophe. Venez nous raconter le chiffre d'Alice. Ce soir, on parle de quoi dans ton chiffre, Alice? On va parler des qualités physiques qui nous font craquer chez un mec ou chez une fille. Dans un instant, dites-nous tout. 01 42 48 5000. On va savoir comment faire craquer les filles et les mecs là. Et puis on écoutera Martin Garrix sur Fun Radio. In the name of love. A tout de suite sur Fun Radio. Suivez-nous sur Facebook, la page Love Info. Cette semaine, dans le Night Show, Marion Yanso vous envoie à Londres. Avec Vueling Airlines. Salut, c'est Marion Yanso. Cette semaine, on vous donne rendez-vous tous les soirs et grâce à Vueling Airlines, on vous offre vos billets d'avion direction Londres. Alors qu'est-ce qu'on fait à Londres, Marion? Eh bien, c'est simple, on fait du shopping, on mange des fish and chips, on boit une cup of tea avec la reine d'Angleterre, on fait la teuf dans des clubs et on voit le Big Ben. Mais c'est qui ce Big Ben? Tous les soirs. 22h minuit. Here we go. Marion Yanso, le Night Show. Sur Fun Radio. Banzai Noodle de Lustucru, c'est super bon. Pratique, les Banzai Noodles sont faciles à préparer. Versez de l'eau bouillante, attendez 3 minutes et c'est prêt. À peine le temps de crier. Banzai ! Pour vous régaler. Bœuf, poulet ou curry, le plus dur c'est de choisir. Banzai Noodle de Lustucru, Banzai que c'est bon. Pour votre santé, évitez de grignoter. Aujourd'hui, c'est Antoine de Cannes qui ne revient pas d'avoir des bons à parier offerts. C'est pas vrai! Oh yes! Yes! Yes! Mais oui, Antoine, pour la rentrée et pendant les jours 100% gagnants, votre bon à parier est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Du 2 au 11 septembre, pour tout quintet plus de 6 euros minimum joué sur la course du jour, PMU vous offre un bon à parier d'une valeur de 2, 4 ou 10 euros valable sur le quintet plus du lendemain. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Tomorrowland présente The Elixir of Life.

le chemin du bahut, le chemin de l'école demain à partir de 8h du mat. Oh putain, c'est tôt. C'est tellement tôt. Bon courage à vous. Il y en a qui vont commencer plus tard. C'est la journée de reprise pour certains. Et puis pour d'autres, ça a déjà repris depuis vendredi. Certains aussi depuis jeudi. Lucas, toi, t'as repris quand, toi, l'école, notre auditeur du soir? Alors, j'ai repris l'école jeudi à 13h30. Ah oui, c'est précis. Ah ouais, c'est précis. Ouais. Ça a laissé un souvenir. T'es content de ta classe? T'es content de tes profs? Ouais, ça va. Et ton emploi du temps, surtout. Ah ouais. Tranquille. Ça va, tranquille. T'as un bon emploi du temps? Comment? T'as un bon emploi du temps? Ouais. Ça va être laquelle, ta journée préférée? Le mercredi. Pourquoi? Bah, parce qu'on travaille que le matin. Eh ben voilà. Ça, c'est cool. On a toujours une petite journée préférée quand on est au bahut, au collège, au lycée. Là. Lucas, t'es notre auditeur du soir. Tu sais que dans l'émission, on peut lire les messages de tous ceux qui nous écrivent. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour nous écrire, Lucas? Avec le hashtag LovinFun sur Facebook et sur Twitter. Absolument. Et n'hésitez pas, hein, Alice, lis vos messages en direct. C'est parti. Un message de Marina. Hello la famille, est-ce qu'il y a moyen de passer Green Light de Pitbull et Florida? Je kiffe trop ce son, merci d'avance. Avant la fin de l'émission, on le met. Ok. Allez. Et un autre message de Jordan qui nous dit, quand tu es seul le soir pour ta première nuit d'internat, tu fais quoi? Bah, tu écoutes LovinFun sur Fun Radio. Vous êtes super, continuez comme ça. Et d'ailleurs, on va lancer la question de l'internat. Alors, on a attendu parce que justement, c'était la rentrée. Il y en a qui sont pas encore rentrés en cours et tout, machin. On va faire la question de l'internat tous les soirs. Vous êtes dans un internat, vous serez avec vos potes et tout. Vous pourrez venir poser vos questions tous les soirs. Ce sera vers la fin de l'émission qu'on fera ça chaque soir entre 20h et 22h. En général, ils sont en groupe d'ailleurs. En général, ils foutent bien le bordel. C'est ça qui est bon. Et nous, ce qu'on adorerait, c'est venir dans votre internat. Donc, ça, faire une petite émission dans un internat, ce serait vraiment sympa. Genre, ça va être compliqué, ça. Il y a quelque chose qui s'appelle l'éducation nationale. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et surtout en ce moment, c'est un peu tendu, quoi. Mais on essaiera en tout cas. On a plein de projets, Lucas, cette année. Ouais. Et ça te fait rêver. Ça te fait rêver. N'en dis pas plus. On accueille Alexandre. Il a 22 ans d'Angers. Bonsoir. Alors, Alexandre. Salut. Salut l'équipe. Salut Alexandre. Il faut que tu nous racontes ton histoire. Ouais. Donc du coup, j'ai rencontré un mec sur un chat, basique. C'est quoi le chat basique? Vas-y, raconte là. Je veux tout savoir. Je peux dire le... Tu peux tout dire, on s'en fout. Non. Ouais, sur Coco. Ouais, Coco, donc, bien sûr. Voilà. Ok, Coco. Et donc du coup, voilà, on a discuté plusieurs fois. Et donc il m'a proposé d'aller boire un verre. Voilà, basique, quoi. Il était comment sur la photo? Alors, sur la photo, c'était blond, yeux bleus, la plage derrière, basique. Et tu cherchais quoi sur ce site? Une rencontre amoureuse, quelque chose comme ça? Ben non, pas forcément, voilà. Pour parler, s'occuper. Ou un plan cul. Mais là, bon, enfin, cette fois-ci, non, bizarrement. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Du coup, vous donnez rendez-vous où? Dans un bar, sur Angers. Ouais. D'accord. Et donc, du coup, quand je l'ai vu arriver, il m'a dit c'est toi, Alexandre? Je fais oui. Et j'étais choqué parce qu'il avait, il m'a pas dit l'âge exact, mais au moins 20 ans de plus, quoi. 20 ans. 50, ah oui, 60 non, ans, je vous jure. Ah ouais, donc lui, oui, ok. Et alors, tu lui as dit quoi? Casse-toi. Bah, je vais même vous êtes pas son papa chercher. T'as fait quoi? Ah non, j'ai même pas cherché, j'ai pris mes affaires, je me suis barré. Ah ouais, le mec, qu'est-ce qu'il a dit? Les gens qui sont cons, quoi. Bah attends. Eh ben, je sais même pas ce qu'il m'a dit, ce qu'il a répondu, parce que je vais pas laisser le temps de répondre quoi que ce soit. Et puis, je voulais pas l'écouter, quoi. Enfin, voilà. D'accord, Alexandre. Ce soir, t'as envie de le rappeler pour lui dire j'ai fait une connerie, j'ai envie de te retrouver, bébé. J'ai pas le numéro. j'ai pas pris la peine de prendre. Non, mais bon, toi encore, ça va parce que t'as 22 ans. Le plus grave, c'est lorsque vous avez 13, 14 ans et ça vous arrive que vous faites draguer par une jeune fille du même âge que vous, du même collège que vous, qui en fait, en réalité, s'avère être quelqu'un d'un peu plus âgé, de sexe différent parfois même. Carrément. Et c'est un truc qui se fait de plus en plus. Fréquent, hein. Carrément, il y a même des enfants qui sont enlevés et tout. Là, il s'agit d'adolescents en général qui vont sur Facebook, c'est normal, et qui se font draguer comme ça. Bon, on y va de plus en plus jeune en plus, hein, donc faut faire super gaffe. Hein, dès que vous parlez avec quelqu'un et tout, ça se trouve, c'est pas Alice que vous aurez, mais peut-être Jean-Michel. Ou Cassim. Ou pire, Cassim. Juste en un mot, ce qui arrive souvent, c'est le garçon et la fille va au rendez-vous. Il y a un mec qui se pointe, il dit écoute, ma fille n'a pas pu venir, mais elle m'a dit de venir te chercher. Voilà, c'est ça. Et après, c'est le début de la fin, quoi. Ouais. Ouais, faut vraiment se méfier. Il y a beaucoup d'ailleurs de réactions à Alice. Hein. Ouais, il y a Joris qui nous dit que ça lui arrive tout le temps. Les meufs mettent des photos d'elles, mais qui datent d'il y a au moins 5-10 ans. Donc il est toujours déçu en arrivant. Et Alexandra, elle est tombée sur un mec de 10 ans de moins que prévu. Donc finalement, le mec était mineur. Donc elle l'a envoyé chier. Mais bon, elle a dit qu'une fois, quand même, elle a vraiment eu de la chance. Elle est tombée sur un mec qui était quand même mieux que sur la photo. Donc comme quoi, ça arrive de pas toujours être déçu. Quelqu'un dans l'équipe a fait comme ça une rencontre sur Internet. Moi, j'ai jamais osé. Moi, j'ai fait, moi. Ah ouais? Ah ouais, ouais. J'étais tombé sur une nana, en fait, j'avais juste son visage et tout, tu vois. Et, après, t'as vu le reste? C'était nickel. Et, elle était, mais pour le coup, franchement, elle avait un visage vraiment super joli, mais elle était vraiment obèse. Obèse. Et, donc, c'était pas à ton goût, quoi. Qu'est-ce que t'as fait? Moi, j'aime bien les filles qui sont un peu rondes, mais pas obèses, quoi, tu vois. Tu as dit quoi? Excusez-moi, voilà. Je suis trompé. Donc, en fait, j'ai quand même bu un verre avec elle, parce que je suis pas un connard, hein, tu vois. On a discuté et tout. Et après, voilà, tu te rends compte, quoi. Il n'y a pas de feeling, donc voilà. Tu lui as dit ciao. Ouais, je lui ai dit au revoir à la fin. Je suis sûr que tu lui as dit on se rappelle. Non. Oh, mais non. Allez. Non, je te jure. Tu lui as payé le verre? Ah ouais, j'ai payé, ouais. Bah attends, quand même. Il n'y a qu'à toi que je ne paye pas de verre. Je suis sûr que tu as dit on se rappelle. Le chiffre d'Alice dans un instant. Non, je te jure, je n'ai pas fait ça. Mais c'est vrai que des fois, tu es tellement gêné que tu as envie de créer une suite. Ouais. Genre, tu dis à la personne, ouais, on se fait une petite bouffe et tout, machin. En fait, tu n'as plus du tout envie de l'avoir, quoi. Et tu ne rappelles plus jamais. Tu fais ça, toi, Alice, toi, quand tu fais des rencontres et tout Genre, y a pas de feeling et tu lui dis à la fin, bon allez, on se revoit bientôt, très vite. Non, moi je dis pas on se revoit bientôt, je dis on se tient au courant. Ah, tu vois, c'est pire. On n'a pas prévu de se revoir, mais on se tient au courant. Bon, bah, on s'est pas tenu au courant, c'est tout, quoi. À très vite. Et Lucas, notre auditeur du soir, tu fais de la radio avec nous là ce soir. Oui. Est-ce que tu dragues sur Internet? Non. Il n'y a pas besoin, lui. T'as pas besoin. Hein. Ouais, j'ai pas le temps. Ouais, voilà. Elles sont toutes dans ta classe? Non. Ah. Mais il n'y a pas besoin non plus qu'elle soit dans ma classe. Hein. Ah, bah pourquoi? Vas-y, raconte là. Comment tu les dragues, tes copines, toi? Je leur donne des cartes Pokémon. Voilà, tu vois. tu leur donnes un air bizarre. Ouais, voilà. D'accord. Non, je fais. Ouais, je m'en. Bon, on a bien compris que tu pêches rien du tout, toi, en ce moment. Tu galères, comme tout le monde. Non. Lucas, on a tout de suite cerné le personnage. Hein, je te le dis, reste avec nous. On va parler justement de ce qu'aiment les filles chez les mecs et inversement avec ton chiffre, Alice, c'est ça, hein? Ouais, apparemment, la majorité des femmes craquent pour les mecs avec une petite barbe de 3 jours. Donc, on s'est posé la question, qu'est-ce qui vous fait craquer chez les mecs ou chez les filles? Allez-y, lâchez-vous les petits détails physiques, le petit truc en plus. 01 42 48 5000, on veut tout savoir. Twitter, Facebook, les réseaux sociaux, hashtag LoveInFun et Pitbull Florida. Money. 3 Miami boys, you know what time it is. Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. Dream, I wanna loose in this thing. Like OJ, the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is mommy for you to give me the green light. So I can run through it like an easy pass. Find a G-spot and step on the gas. Woo! Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. Serena Venus, glow a genius, smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this, that 200 on the dash got me fiending. So I'm tryna ride out, slide out, rally stripes, Cindy 500 pound out. Hey, red light, green light, everybody take a shot. Red light, green light, give me everything you got. Red light, green light, everybody take a shot. Red Pitbull, Florida sur Fun Radio. Le chiffre d'Alice dans Loving Fun sur Fun Radio. J'adore ces chiffres-là parce qu'on en apprend un petit peu plus sur les filles, sur les mecs. 01 42 48 5000. Ce soir, dans ton chiffre, on parle de quoi, Alice ? Eh bien, écoute, 72% des femmes préfèrent les mecs avec une barbe de 3 jours. Donc, je me suis posé la question, quelles étaient les petites qualités physiques qui vous font craquer chez un mec ou chez une fille ? Genre le truc qu'on aime bien, quoi. Ouais, le truc qu'on regarde peut-être pas en premier, mais le truc qui va faire un peu toute la différence. Ça, c'est le détail, oui. Enfin, bon. C'est l'ensemble. Doc, c'est un ensemble. Non, mais bien sûr, mais il y a toujours des petits détails qu'on regarde en premier chez quelqu'un, même inconsciemment, Doc. Oui, exactement. Inconsciemment, on va remarquer un détail, mais en fait, il y a un ensemble qu'on perçoit et qui parle à ton inconscient. Et c'est peut-être pas celui que tu remarques en priorité, mais pourquoi pas. En tout cas, c'est un vieux classique, la petite barbe de 3 jours. La petite barbe de 3 jours, ça marche bien. C'est vrai. On va demander aux filles, aux mecs, là, 01 42 48 5000. On a Farah qui est avec nous. Bonsoir, Farah. Salut Farah. Salut. T'as 23 ans, t'es à Nîmes, toi. C'est ça. Alors, ça va, il fait chaud à Nîmes, là, ce soir. Oh, con, il fait cagnard, hein. Ah, il fait cagnard. Oh, le con, il fait cagnard. Il fait trop chaud, c'est un truc de fou. Oh, putain. Hein. J'aime bien dans le foot, il n'y a pas une phrase son et con. Farah, fous-toi à poil. Oui. Attends. On voit le chien. C'est ça qui est bien, tu vois. Hein? Je suis seule chez moi, donc ça va, je peux me foutre à poil. Fais-toi plaisir, hein, sans déconner. C'est vrai, quand il fait chaud comme ça, on est mieux tout nu, quoi. Sinon, on transpire mais en tous les sens. Vas-y, déshabille-toi, carré. À la maison, il n'y a pas mieux. Alors, on va pas se déshabiller, Doc. Dans le studio, il y en a de la clim, nous. Ça va. Alors, Farah, raconte-toi un petit peu, toi, qu'est-ce que tu regardes voilà, chez un mec, les petits détails, comme ça, quand tu rencontres quelqu'un. Eh bien, moi, c'est son regard. Ah oui. Les yeux, ouais. Ça tue. Le regard. Ouais. Pas forcément les yeux clairs ou quoi, mais c'est vraiment son regard, quoi. Il faut qu'il soit un truc, il faut qu'il y ait un truc, quoi. Ah, c'est quoi le petit truc? C'est genre le regard ténébreux que t'aimes bien Ouais, voilà, tu sais, les petits yeux qui te fixent comme ça, là, genre, voilà, quoi. D'accord, alors. Du regard et tout, tu vois. Et le mec, il a un beau regard, mais il s'est mis un petit peu de rimmel et il s'épile les sourcils. C'est plutôt au travail, ça. Les des sourcils, ça me gêne pas. Hein. Ouais. Bah, parfois, vaut mieux. Ça me gêne pas. Oui, c'est vrai que. C'est vrai, parce qu'après, si ça fait l'autoroute à 9, ça sert à rien. Oui. C'est sûr que quand on a Kassim dans l'équipe, qui a plutôt les sourcils d'Emmanuel Chin, je sais pas si vous avez. C'est vrai. Je m'épile les sourcils, moi. Le pire, c'est que le mec se les épile. Après, il faut pas que ça soit trop fin. Ah, bah oui, Farah. Voilà, quoi. Juste au milieu. Eh mais Kassim, toi, tes sourcils, si tu t'épiles pas, ça se rejoint. Oui, c'est ça, c'est le bandeau. Et tu sais quoi, si tu fais une connerie, ton défi, ce sera de garder tes sourcils. Ok. Non. Ah si, on va trouver un truc là. Farah, qu'est-ce que t'en penses? Ben écoute, ouais, moi je suis go. Ah ouais, on est tous go, je pense. Ok. Alors, Farah, donc toi, le regard, c'est hyper important. Mélissa, t'es là? Bonsoir. Salut Mélissa. Bonsoir Mélissa. Alors, pour Farah, c'est le regard. Pour toi, Mélissa, c'est quoi chez un mec là, à Marseille? Ah, moi, c'est irrévocable, c'est les dents et le sourire. Les dents et le sourire. Et le sourire. Le smile. Évidemment, avec les dents cariées, ça la fait pas. Hein. Ah, bah oui. Ah non, une dent qui part en Russie et l'autre qui part en Amérique, c'est même pas la peine. Hein. Oui. Ah, mais carrément, Mélissa. Donc, toi, t'es pointilleuse sur les dents. Et si le mec. Ouais, vas-y. Après. Ah, je suis obligée, parce que si après vous voyez le menu, vous voyez tout, ce qu'il y avait de la veille, il y a 3 jours, ça sert à rien. Mais t'as déjà rencontré beaucoup de mecs qui ne se lavaient jamais les dents? Ah, énormément. Ah ouais? Il y en avait beaucoup, ben vous le voyez pas, ben, on le voit pas quand on le voit. Oui, mais quand tu couches avec, tu t'en rends compte? Ouais, non, mais c'est pas possible, ça va pas jusque-là. Ah ouais, non? À ce moment-là, ça ne va pas jusque-là. Mais pour savoir si un mec se brosse les dents, faut vivre avec la personne, non? Ben rien que l'odeur, en fait. Ben, l'odeur à lui parler. Non, mais après, si le mec pue de la gueule, c'est peut-être encore une autre histoire. Donc, pour toi, c'est le sourire. C'est vrai que ça revient souvent. Alice, toi, c'est quoi que tu regardes en premier chez un mec? Moi, je vais dire les yeux en premier. Ouais. Je suis très regard, mais c'est vrai que le sourire, mais c'est vraiment le charme en général, ce que la personne dégage. Tu me fais un peu peur avec tes yeux grands ouverts. Ah, je sais pas, non, je te regardais, pardon. Là, c'est un regard de pervers. Mais bon, de pervers. Ça, je vais faire un regard qui tue. Oui, de pervers aux abois. Ouais. Merci. Les yeux, toi, Doc, tu regardes quoi, toi, en premier chez une fille? Ah, le regard, le visage. Le visage l'expression, aussi. L'expression du visage. D'accord, il n'y a que moi qui vais dire que je regarde ses seins, quoi. Ok, d'accord. Okay. Toi, tu regardes pas que les seins, tu regardes les fesses, je t'ai vu. Soyons hypocrites. Non, moi, pas trop les fesses. Non, je regarde surtout le visage, l'ensemble. Diana, t'es là? Bonsoir, Diana. Oui, je suis là. Bonsoir. Salut, bon, Diana. Alors, à Marseille, c'est le sourire. À Nîmes, c'est le regard. Diana, à Toulouse, c'est quoi? Alors moi, c'est la façon de, dont il s'habille, en fait. Oui. Si je vois le mec qui s'habille comme un clochard, ça ne sert à rien pour moi, en fait. Ça veut dire quoi, s'habiller comme c'est un clochard? C'est-à-dire qu'en fait, qu'il ne sait pas se mettre en valeur et puis se prendre soin de lui, voilà, ce genre de choses. Prendre soin de lui, mais vas-y, va jusqu'au bout. Prendre soin de lui, c'est-à-dire... Mettre de la crème? Non, pas forcément, mais bon, qui, enfin, je sais pas comment dire, ben, qui quand même se coiffe le matin, il met un peu de gel, et puis voilà, qui se fasse un peu quand même beau, mais pas pour non plus pour par rapport aux filles. D'accord, donc un mec, donc trop beau, ouais. Mais pas trop quoi. Et toi, un mec en costard cravate, t'en penses quoi? Moi j'aime bien, parce que je trouve que ça met quand même en valeur la virilité de l'homme. Ah oui, bien sûr. Mais pas non plus H24. Jean t-shirt, ça passe, non? Jean t-shirt, mais ça dépend de Jean. Alors je vais te dire, attends, je vais regarder Karel, son jean, il a au moins 15 ans. Il est un peu abîmé. Son t-shirt, il est délavé, il est sale. Déjà, je t'emmerde, je l'ai acheté ce week-end. Donc je l'ai acheté au rabais. mon t-shirt. Non, mais excuse-moi, je gagne pas ton argent, Doc. Moi, je m'achète mes jeans. Moi non plus, je gagne pas comme lui. Hein. Il avait fait un truc des pauvres vêtements. Il y a un mec qui s'est pas. Non, mais attends, mais t'es vraiment une ordure. Sans déconner, l'autre, il s'habille comme un sac pendant 2 ans. Hein, et l'autre, il rencontre Katoche. Alors maintenant, il fait à peu près attention à lui. Ça va, Doc, sans déconner. Oui, t'as remarqué. Ah, moi je suis au top. Hein. Alice, ça va? Ça va parfait, vous êtes parfait. Non, mais... Dans votre style, vous êtes parfait. C'est la réponse très diplomatique. Chacun à son niveau. C'est ça, bravo, bravo. Cindy est avec nous aussi. Bonsoir Cindy. Hey, salut Cindy. Coucou. Salut Cindy, t'as 24 ans. Ouais, oui. Tu nous appelles d'où Cindy? De Lens. D'accord, exactement. Et toi, qu'est-ce que tu regardes en premier chez un mec? Oh, moi, j'aime bien regarder les fesses. Ouais. Et je kiffe les yeux marrons. Et une petite brioche, c'est trop craquant. Ah, tu aimes les mecs avec du ventre? Bah ouais. Il y en a un paquet dans la rue. Ah, il y a des mecs. Attends, un mec qui. T'as envie de lui demander, il accouche quand tellement le ventre est gros? Ouais. T'aimes ça, toi? Ah non, je suis pas sûr. Cindy, si le mec il est vraiment vraiment gros, non. Ah moi, non, après non. J'aime pas les extrêmes non plus. J'aime pas trop. Une petite brioche. Pourquoi? Parce que ça sert d'oreiller, il paraît. Ça s'appelle les poignées d'amour. C'est parce qu'on empoigne pour faire l'amour. Ah, ouais. Tu l'accroches. Ah bah, bah carrément. Oui. Bah bien sûr, Cindy. T'as trouvé ton bonheur ou pas? Bon, on va dire j'ai un petit flash. T'as un petit mec? Un petit flash. Je suis pas encore avec. Ah d'accord, ok, donc pour l'instant t'es juste au flash. Elle est sur un dossier, voilà. Si tu veux. Ouais, bah, j'ai bien compris là, ça y est, donc c'est remonté au cerveau. Ouais. Et on te souhaite, tu veux qu'on l'appelle pour demander à ce que ça se fasse? Oh non, c'est moi en fait qui veux prendre mon temps. Ah ouais, d'accord, donc lui il a une belle paire de fesses et une petite brioche. Hein. Exact. Ah bah il a tout. Ah, ah oui. Il a tout. Ouais. Alors. Dis donc, t'es très excitée. Grave. Hein, je kiffe les yeux marrons, je sais pas, je trouve quand il nous regarde, c'est direct, ça transperce. Ça transperce à quel niveau? Je sais pas trop. D'accord. Dans le cœur, bien sûr. Bon, tu es d'être heureuse avec lui, en tout cas, Cindy. J'ai l'impression que c'est plutôt cool. J'ai pas demandé à Lucas, notre auditeur du soir. Lucas, toi, qu'est-ce que tu regardes en premier chez une fille? Le visage et un peu tout, les yeux et les seins, surtout. Les seins, bien sûr. Ouais, non, les yeux, ouais. C'est la liste détaillée. En fait, tu regardes un ensemble, toi, Lucas, parce que t'es un romantique, bien sûr. Hein? Oui, et un observateur. Et un observateur, il est fort, ce Lucas. Reste avec nous. Et je vais remercier Farah, Mélissa, Diana, Cindy, toutes les filles à qui on réagit. On fait plein de gros bisous, les filles. Merci beaucoup. Et puis, Adrien est avec nous, un Choletais dans le Maine-et-Loire. Bonsoir, Adrien. Salut, Adrien. Salut, Karel. Salut, Doc. Salut, Alice. Salut. Bonsoir, Adrien. Dion, tu nous appelles avec un téléphone. Là, t'as un mégaphone avec toi ou pas, là? Non. Non, bah c'est bien. Pour une fois qu'on entend quelqu'un qui parle bien fort, t'appelles pourquoi toi, Adrien? Bah, parce qu'en fait, c'est que je suis un peu accro au porno. T'es accro au porno, d'accord. Tu veux savoir comment arrêter ta drogue? Ouais, c'est ça. D'accord, c'est ça. On va en parler. Il faut peut-être rencontrer des vraies filles dans ces cas-là. Ça peut aider. On en parle. Voici Sac Noël. Ça, c'est très très bon. C'est une nouvelle bombe Fun Radio. Tic tac, she fait gimme the gimme the head to the floor, girl, gimme the gimme the bend over, girl, and gimme the spit down to the ground, seismic activity. Spin round me, girl, and gimme the top wine, girl, and gimme the body look fine, girl, gimme the coming out, waste some time, girl, gimme the body look good, girl, you ever be with. Trumpets blow. Watch when you bubbly, bubbly. Serious thing, it and a comedy, comedy. Man, them say you have the comedy, comedy. So me won't get someone come trouble, trouble. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Body body, me take up a permanent president. Trumpets blow. Trumpet sur Fun Radio. 20h, 22h. 0 42 48 5000. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. J'espère que tout va bien, que vous passez une bonne soirée tous les soirs. Love in Fun sur Fun Radio. 01 42 48 5000, le numéro pour nous appeler. Le temps d'accueillir Adrien. Il est là ou pas, Adrien? Ouais, je suis là. Ouais, je suis là, tranquille. Adrien, 16 ans, de Cholet et accro au porno. C'est-à-dire, tu peux nous expliquer? Bah, c'est genre, je suis tout le temps sur mon téléphone en train de taper de queue. C'est violent. Donc, tu te masturbes beaucoup avec ça. Ah, il tape des queues, Doc, c'est pas pareil. Voilà. Oui, c'est la même chose. Tu te masturbes et ça te procure des fortes excitations. Ouais, c'est donc ça. Donc, tu es à la recherche en permanence de cette sensation. Et quand tu as eu cette sensation, ça s'arrête. Et tu n'as qu'une envie, c'est recommencer. Voilà, c'est ça. Combien de fois par jour? Bah, là en ce moment je fais pas trop régulièrement, mais il y a des petites saisons où j'en fais beaucoup, tu vois. Comment, bah, attends, donc, dis-nous 5-6 fois. 5-6, ouais. 5-6 fois, ouais, par moment tu sais t'arrêter. Normal. Ouais. Ok. Ça, c'est déjà une très bonne chose. T'as compris la fonction principale du film porno, c'est générer une excitation très forte qu'on va rechercher. T'as des potes, tu sors, tu t'amuses, tu fais quoi? Je sors avec des potes. Ouais, faut que tu sortes un peu plus avec tes potes, ça va déjà aller mieux, parce que c'est difficile de le faire dans la rue ou ailleurs. Attention, parce que moi j'ai vu qu'un Brésilien est mort au bout de 17 masturbations. Oui, mais bien sûr, mais parce que son problème principal, c'est pas la masturbation, c'est le fond du problème. Pourquoi il se masturbe 17 fois de suite? C'est parce qu'il va pas bien, qu'il y a un désir compulsif qui traduit un mal-être. Adrien, ça changera le jour où tu seras vraiment amoureux d'une fille. Ah, c'est le problème. Tu n'auras plus envie du tout d'aller mater des films de cul. Bah, si. Bien sûr que si, Doc. Parce que toi, tu continues. Non, mais là, n'empêche pas l'autre. Je te pose la question. Réponds-moi, mais réponds. Mais oui, oui, mais oui. Combien de fois par semaine? Mais Karel, il fait c'est ça. C'est la confession, je vais t'absoudre, vas-y. Combien de fois par semaine? Père de qui? Non, mais attends, mais ça va, là. Vas-y, réponds. Réponds. Et t'as posé la question à Adrien. Réponds. Adrien, non, mais attends, mais moi, j'ai aucun problème à regarder des petites vidéos comme ça. C'est la masturbation. Oui, non, mais bien sûr, mais ça arrive. Je veux dire, c'est pas et parce que tu regardes. Quand tu seras amoureux, ça ira mieux. Ça, alors, c'est sûr que ce sera plus 6 fois par jour, Adrien. C'est pour ça, bien sûr. Mais Alice aussi, je l'ai déjà vu en train de regarder des vidéos sur Internet. Ah, bah oui, constamment. Bah là, je suis en train d'ailleurs. Ah, bien sûr, là, t'es sur quoi là, ah, bah, là ah, bah, attention, voilà. Lesbienne en chaleur de tous les coups. Ah, bah, je suis sûr c'est pas son trip masturbatoire. Allez, on se connecte sur la console, là, tout de suite, là. Et voici ce que Godefroy regarde pendant l'émission. Oh, Godefroy! Godefroy, sans déconner! T'es bonne, hein? Désolé. C'est pas grave, vas-y. Sans déconner, t'es arrivé pile poil à la fin. Adrien, est-ce que t'es rassuré, mon poteau? Ouais, ça va, ça va. Sache que tu n'es pas seul. Lucas, toi qui as 14 ans, notre auditeur du soir, tu te masturbes aussi de temps en temps? Ah non, mais justement, oui. Ah, oui. Ah là, il s'est endormi, le mec. Non, mais tu peux te retirer sur la nouille. On verra tout à l'heure. Et Adrien, je te souhaite une bonne soirée. Merci à toi, en tout cas. Est-ce que je peux passer une dédie? Ouais, vas-y, rapide. Salut.

22h. Love in Fun. Appelez Doc, Karel et Alice. 0 42 48 5000. Sur Fun Radio. Jusqu'à 22h, Love in Fun, tous les soirs sur Fun Radio. Doc, tu viens de mater une vidéo là, bien marrante. Hein. Non, oui, mais pas que tu la connais. Ah oui, non, mais le mec moi, qui avait je donné déjà sur la vu. Plage et laxatif à des mouettes, et après tu vois les mouettes chier sur tous les gens de la plage. C'est énorme. C'est horrible de faire ça. Ah, énorme cette vidéo, si vous l'avez pas vue, je sais qu'elle a déjà tourné, mais c'est vrai que l'idée de donner des laxatifs aux mouettes, c'est juste énorme. C'est génial. Même chier sur un bébé, c'est l'horreur. Non, mais c'est horrible. Attends. Non, ça, donc, fallait pas le dire. Et si sur la tête du bébé, t'as une queue. Alors, on va vous mettre la vidéo sur la page Facebook de l'émission. En tout cas, ça nous a bien fait marrer là. Je suis désolé pour ceux qui voulaient voir le live vidéo. Alors, je sais pas, c'est ça fait deux dimanches que ça marche pas. Je pense que les techniciens le dimanche sont pas au courant qu'il faut nous filmer. Mais c'est pas grave, on va s'en arranger et on sera filmé dès demain. Vous inquiétez pas, et dimanche prochain, on va s'en charger. On va tout de suite reparler un petit peu avec Lucas, notre auditeur du soir. T'es là, Lucas? Salut, bah oui, toujours. Salut. Bah, Lucas qui fait de la radio avec nous. Je rappelle, si vous voulez être l'auditeur du soir, vous envoyez un mail loveinfun@funradio.fr. T'as un petit truc à dire là, Lucas là? Ah ouais, j'ai une petite blague. Ah, une petite blague. On t'écoute, c'est parti. Donc si elle est pas marrante, vous pouvez toujours réagir avec le hashtag LovinFun. Et m'insulter aussi, si vous voulez. Non, quoi que non. Bon, c'est l'histoire, en fait, de deux spermatozoïdes qui discutent. Ouais. Et il y en a un qui dit, dis, c'est encore loin, les ovaires. Ah, tu parles, on est qu'aux amygdales. Aux amygdales. c'est encore là, les ovaires, on est qu'aux amygdales, d'accord. Ah oui, quand tu commences à répéter la blague, c'est là que tu sens que la blague. Le public n'est pas content. Bon, j'en ai d'autres, si tu veux. Ah, Lucas, une dernière alors, parce que je sens que tout le monde a envie de bien rire ce soir. C'est parti. Est-ce que tu connais le cri du spermatozoïde? Le cri du spermatozoïde. Tout est à base de sperme chez toi, Lucas? Vas-y. Je suis pas occupé par ça, oui. C'est quoi? Bah, la prochaine fois, au lieu d'avaler, tu le croques et tu fais un. Voilà. J'ai rien compris. Alors, si tu veux entendre le cri du spermatozoïde, il faut le croquer pour qu'il gueule. Ouais, alors c'est Lucas, je raconte mal les blagues quand même. Lucas, c'est pas grave, reste avec nous. On va parler de ce truc hallucinant. C'est néo-zélandais, c'est ça? Ouais, exactement. Je suis tombée en fait sur une actu. C'est une néo-zélandaise de 24 ans qui a mis une vidéo de son incroyable perte de poids. En fait, elle a perdu 100 kilos en 2 ans. Et donc, elle a fait Au départ, c'est combien? Au départ, il me semble qu'elle faisait 170 kilos à peu près. Ah oui, c'est normal. Et donc, en fait, voilà, elle a fait un time-lapse, donc elle a pris plein de vidéos au fur et à mesure. Elle a fait un montage de toutes ses photos, en fait. Ouais. Et on voit la différence, la transformation qui est assez impressionnante. Mais elle a fait quoi pour perdre tous ces kilos-là? Eh ben écoute, tout simplement, elle s'est prise en main. Il me semble qu'elle a subi également une opération avec un bypass. Ah ouais, ah oui, mais bon, voilà. C'est la chose la plus efficace. Ah ben bien sûr. Quand on a une obésité monstrueuse comme ça, réduire la taille de l'estomac permet effectivement. Mais c'est pas anodin parce qu'il y a des carences après, il y a des problèmes. Enfin bref, c'est pas facile. Ça nécessite une vraie surveillance médicale, mais c'est très efficace, oui. 5 millions de vues, enfin voilà, il y a une photo qu'on va vous mettre sur la page Facebook de l'émission, tu la vois avant, après c'est vrai que c'est juste hallucinant. Et puis après, il faut qu'il fasse des interventions parce qu'il y a trop de peau, enfin bon, bref. Ouais, bien sûr, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, Laurent Ournac, présentateur de Danse avec les Stars, qui avait perdu beaucoup de poids aussi, le bypass. Dites-nous si vous avez déjà perdu beaucoup de poids, est-ce que voilà, c'est quelque chose, vous avez déjà tenté des régimes et tout, je sais que pour la rentrée, il y en a plein qui veulent être au top, quoi. On a Thomas qui est avec nous, 28 ans de Draguignan, qui voulait réagir justement à cette info là. T'es là, Thomas? Salut, ouais, Thomas. Salut à toi. Salut. Thomas. Tu l'as vu toi la vidéo? Je l'ai aperçu ouais, tout à l'heure et tout. Ouais, c'est vachement impressionnant. Ah ouais, carrément. Et ouais, non, franchement, c'est moi c'est pareil. J'ai fait le bypass il y a quelques années en 2010. Tu pesais combien? Je faisais 156 à l'opération. 156 kilos et là? Là, je suis remonté à 77, mais je suis descendu au plus bas à 62. Putain. C'était trop. Oh, c'est 77, tu mesures combien? 1m77. Bon, c'est un indice masse corporelle encore dans les clous. Hein. Voilà, ouais, ouais, et comment ça se passe du coup? Parce que quand t'es obèse, enfin, veut dire t'as plein de peau, quoi, tu vois, qui pend et tout machin. Ça, c'est comment ça se passe en correction. Fait correction. Toi, t'as pas eu besoin de correction d'opération esthétique par rapport à ta peau? Non, du tout. Bah, j'ai repris rapidement le sport derrière. D'accord, et en fait, okay. La peau des bras, c'est retendu, voilà, les jambes aussi, et j'ai pas eu de soucis là-dessus. Il faut surtout évidemment pas perdre de muscle, bien sûr. Non, mais sinon, le plus important, la chose certaine, c'est ce qu'il dit, c'est que c'est l'intervention, c'est la technique la plus efficace. Tous les régimes de la Terre n'arrivent pas au bout